Hello. Bonjour à tous. Alors, vous avez pu remarquer, il n'y a que deux bonjours, parce qu'on a, Oui. notre cher Nelson qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Et donc voilà, on espère que bah, il sera là pour la prochaine. On annonce tout de suite, en fait, pour la semaine prochaine, on va sauter. On va sauter, il n'y aura pas de numéro du Signal on the Phone. Par Gain contre, de caution, hein. voilà, c'est ça. Par contre, on vous délivrera notre top de l'année 2020 sur YouTube, sur notre chaîne, le Pony Cosmic Club. Parce qu'on a fait un top, on va faire un top presque toute plateforme. Parce qu'on regarde pas toutes les plateformes non plus. Ça demande un budget quand même. Une Mais sacrée explosion en 2000 en plus. Ouais. Bah là, parce que vraiment, pour le coup, cette année, il y a vraiment de tout, vu que les distributeurs ont dû se rabattre sur les plateformes, et entre les confinements, les non-confinements, machin et tout. Je pense qu'il y a malgré tout plein de choses qui sont sorties. Et il suffit de regarder Netflix et de regarder ce qui est sorti en 2020 sur Netflix pour se rendre compte qu'il y a des gros gros films qui sont sortis sans qu'on y fasse gaffe, en fait. Enfin, avec des gros castings, quoi. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de se pencher là-dessus, et on fera ça la semaine prochaine. Voilà. Donc Voilà. pour aujourd'hui, on a un programme très chargé. C'est donc c'est que moins on est, en fait, plus moins on est, moins on a de temps, plus on charge, en fait. Ah, on ne va pas Donc y arriver. aujourd'hui, on a 8 films. Donc ça commencera avec Nio qui va nous parler de Ponyo sur la falaise, Ah, le poignot. de Hayao Miyazaki. Moi, je continuerai avec Jingle Jungle, un Noël enchanté. Eh, c'est la période, hein, qui est une comédie musicale de David E. Talbert. Tu n'as pas à justifier. Mais si, toi, cela dit, regarder les films de Noël en plein été, ça peut être un mood aussi. C'est quoi cette idée? The Void, de Jeremy Gillespie et Steven Kostanski pour Neo après. Tout à fait. Ensuite, moi, ce sera L'invasion de Mars de Tobe Hooper. Après, attention, gros morceau, Neo s'attaque à Citizen Kane d'Orson Welles. Ah, un Et gros pour boulet une bonne d'attention, raison. Après, moi, je vous parlerai de How to Plan an Orgy in a Small Town de Jeremy Lalonde. De Jeremy Lalonde, oui, qui est un film canadien. Et pourquoi est-ce que Neo a maté Citizen Kane? Parce que manque de David Fincher, dont il vous parlera après. hein. Et Pas du tout. donc, moi, je terminerai vite fait par Wonder Woman 1984, puisqu'il vient de sortir. Voilà, juste deux, trois petits mots dessus, rapide, quoi. Voilà. Donc, bah, mon cher Nio, vas-y, commence avec Ponyo. Il y avait beaucoup de... tout le, à savoir que tous les Ghibli, enfin, tous, oui, tous les Ghibli sont sortis sur Netflix, quoi. Je crois, un truc comme ça. Tout à fait, et en plus c'est disponible en DVD, Blu-ray, etc. Film dans tes Ouais. fesses, voilà, on peut Donc pas les louper. effectivement, je crois que Ghibli ne peut plus avoir de secret pour personne maintenant, en fait. Ah bah écoute, ma chère Katou, je sais pas, c'est, je pense que l'avantage des Ghibli, que ce soit Miyazaki ou Takahata, et ce méconnu dont on a parlé la semaine dernière par exemple, c'est que c'est beau pour les revoir, quoi. C'est des films à voir et à revoir. Et justement, du coup, ça me permet de déboucher sur Ponyo. On n'y échappe pas. Ponyo, c'est le genre de film, c'est presque un film de Noël, justement, pour y revenir. C'est le genre de film qu'on revoit presque tous les ans, avec de nombreux Miyazaki, et parce que c'est un film qui fait du bien. C'est du feel-good movie, et c'est le genre de truc qu'on avait besoin en 2020. Alors, du coup, pour revenir quand même un peu sur Ponyo, le film est sorti en 2008, et chez nous en avril 2009. Et c'est l'époque où, c'est quelques années après Chute Ambulant, qui date de 2004, où Miyazaki commence à dire que oui, mais je ferai plus de films, je suis trop vieux, etc. Tout ça, etc. Ah oui, Et quand même. il y a Ponyo qui a Il s'est annoncé. dit ça combien de fois? Oh, bah là, c'est les 20 dernières années, il l'a dit tout le temps. Qui n'empêche pas, parce que c'est un stakhanoviste complètement effréné, Miyazaki, de ne jamais lâcher le truc, et bah, en soi, c'est bien, justement, il lâche pas le truc, quoi. C'est le genre de personnage qui est tellement maniaque et précis, dévoué à son art, qui mourra peut-être sur sa table de dessin ou en train de visionner les rushs de son tout dernier film. Ça, bon, en tout cas, je lui souhaite encore de vivre longtemps et peut-être de nous livrer encore un ou deux films avant de partir. Et Ponyo, du coup, Ponyo, donc, date de 2008. Donc, le titre original, on dit Ponyo comme ça, mais c'est Ponyo sur la falaise. Ou en japonais, Gake no Ue no Ponyo. On dit une petite chanson, et d'ailleurs, c'est quasiment une chanson de gamin quand on a la fin. Et Ponyo, qu'est-ce que c'est? C'est une revisitation par Miyazaki du conte d'Andersen, La Petite Sirène. Alors, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, La Petite Sirène, déjà, à la base, il y a un challenge dans l'histoire du conte original, c'est que si elle n'est pas aimée par l'être qu'elle chérit, elle se transformera en écume. Elle fondra en écume dans les vagues. D'ailleurs, la version Disney est beaucoup plus heureuse, puisque le conte, normalement, se termine mal, je crois, dans mes souvenirs. Ça fait très longtemps que j'ai parlé Anderson. Voilà. Et Ponyo, du coup, Ponyo, donc on retrouve cette histoire. Alors, c'est pas vraiment une sirène, c'est un peu flou, Miyazaki s'amuse avec ça, parce que on apprend que Ponyo est la fille le père est humain, il a renoncé à posséder l'humanité, c'est une espèce de magicien qui vit loin de l'humanité dans les océans. Sa mère serait la grande déesse de la mer. Et Ponyo, le vrai nom c'est Brunhilde, ses parents l'ont appelé Brunhilde, et elle choisit de s'appeler Ponyo, qui justement veut dire poisson rouge, après que Shizuke, le jeune garçon, est tombé, et elle va tomber amoureuse justement de ce jeune garçon. Et Ponyo va très vite, comme c'est la fille de la déesse de la mer et d'un magicien, Ponyo a toujours des petits pouvoirs. D'emblée, moi le jeune Shizuku qui s'est non pas Shizuku, Koichi, non Sosuke, voilà, j'ai rebondi un peu sur le précédent film dont on a traité au précédent Bossing on the Phone. Ouais, Sosuke, du coup, notre petit môme, à un moment il se coupe avec un petit bocal en essayant de retirer Ponyo du bocal de verre où elle est coincée dès le début, et Ponyo lèche la blessure, et ce qui a pour effet de guérir la blessure, c'est vraiment les pouvoirs Ponyo, mais Ponyo, en ayant léché du sang humain, elle va vouloir devenir humaine. Voilà. Et donc, du coup, on va pas en dire plus, parce que c'est à la fois, c'est toujours un enchantement qu'on va pas dévoiler, mais c'est aussi un film, à la fois pour, comme souvent pour Miyazaki, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les ados et les adultes. Et d'ailleurs, les adultes se régaleront de certaines séquences qui sont des clins d'œil, cette séquence fabuleuse où Ponyo chevauche des vagues. Et à la musique, Zoïzachi reprend sur quelques notes le thème de la chevauchée des Valkyries de Wagner en faisant quelque chose de retravaillé. C'est-à-dire on réentend le thème des Valkyries de Wagner, mais on sait que c'est Zoïzachi, donc ça varie un peu. Et on voit la séquence avec Ponyo qui court sur les vagues, qui sont des espèces de poissons métamorphosés. Et c'est fabuleux. Le film regorge de petites séquences comme ça, de petits moments de bonheur qui sont propres à la mise en scène de Miyazaki. Et pour rebondir sur ce que je trouvais un peu, la semaine dernière sur Si tu tends l'oreille, Whisper of the Earth, j'avais dit que le film, il manquait quelque chose, un petit peu d'âme. Et ben là, ça se voit. On voit la différence entre un grand réalisateur et un réalisateur qui débute, comme c'était le cas pour Yoshifumi Kondo. Enfin, il débute, il avait de l'expérience derrière lui, mais c'est son premier long métrage, on se rappelle un peu comme j'en ai parlé la semaine dernière. Là, il y a une séquence, par exemple, avec le détail, il y a de la pluie qui bat, il y a le vent. Et Miyazaki, il montre clairement les éléments en jeu. On voit Sosuke qui, avec son petit ciré jaune, le petit ciré jaune qui se prend dans une barrière, donc il enlève le truc. Avec le vent, il manque lui-même de s'envoler. On le voit qu'il lutte contre la tempête, ces petits détails. La lumière vient de couper dans l'espèce de petit hospice pour les personnes âgées où travaille sa mère. Donc lui, il tape à la vitre. Il voit qu'il n'y a pas de lumière dedans. On voit juste des personnes au loin. On a tous vécu une coupure de courant. On sait ce que c'est quand on se trouve un peu dans cette espèce de lumière grisâtre alors que le jour commence à baisser, etc. Et c'est ce genre de moment qu'on retrouve chez Miyazaki, qui sait capter la vie beaucoup mieux que d'autres animateurs japonais, quoi. Enfin, il n'était pas le seul, il y avait Takahata, il y a d'autres réalisateurs. Mais voilà, on voit à ce genre de petits détails vraiment le perfectionnement qui nous fait ressortir la vie. Et c'est ça qui fait toute la différence entre un bon film d'animation et un film de Ghibli où il y a Takahata ou Miyazaki qui ont carrément supervisé, réalisé le film, l'ont porté avec toute l'équipe, bien sûr. Mais vraiment, on sent vraiment la patte du maître, quoi. Donc, D'accord. Ponyo n'est pas qu'un film pour les enfants. Ça reste un film pour petits et grands, un enchantement, une espèce de conte de fées et surtout un feel-good movie qu'il faut voir et revoir. Voilà. Bah écoute, ok. Moi, je vais enchaîner avec Jingle Jangle. Vas-y. Sous-titré Un Noël enchanté. Donc, comme je dis, une comédie musicale de David E. Talbert. Alors, Alors, David. David E. Talbert, qui c'est, vous me direz. Vas-y, connu. Pas tellement en fait, dans le milieu sûrement, mais non. Mais en fait, il a fait quelques trucs, donc dont une autre comédie musicale au théâtre, qui a un truc assez contemporain en fait, qui s'appelle Love in the Nick of Time, of Time d'ailleurs, je crois, parce que c'est un Y. Et c'est une comédie. Enfin, c'est j'ai vu des extraits sur YouTube. C'est très très contemporain comme pièce. J'ai un peu du mal, il y a pas j'ai pas vu d'extraits musicaux. Alors après j'ai pas non plus cherché pendant 30 ans, mais donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. La BO est disponible sur Spotify, mais aussi pour Love in the Nick of Time. C'est très jazzy. Un peu ragtime, enfin voilà, tout ça, cette ambiance-là. Sinon, le film en lui-même, donc Jingle Jungle, c'est à peu près le pitch, c'est un mec, un inventeur de jouets qui a une boutique, qui est un grand inventeur de jouets qui se fait trahir par son apprenti. Et suite à quoi, ça fait effet boule de neige, il devient veuf. Ça se passe dans l'époque victorienne. Howard nous a appris que toujours les apprentis vont trahir leur mère. Voilà, c'est ça. Et donc suite à ça, il se terre dans sa boutique, qui transforme en boutique de prêteur sur gage. Il se coupe de sa fille part au loin. Et des années après, en fait, il a un petit coup de cœur et il essaie de renouer avec elle. Il lui envoie une lettre et celle-ci, en échange, lui, en attendant, en tout cas de revenir, elle lui envoie sa petite fille qui va devenir une étincelle un peu pour le vieil inventeur enfermé, quoi. Au niveau du casting, on a quand même Forest Whitaker qui joue le rôle de l'inventeur. On a Keegan Michael Key qui joue la version adulte, la version adulte de l'apprenti qui l'aurait trahi. Donc, comment? Il me dit quelque chose, lui. Keegan Michael Key? Ah mais alors nous on l'a connu outre les sketchs qu'il fait avec Jordan Peele, en fait c'est lui qui faisait le duo avec Jordan Peele, le duo comique, Ah bah oui. et donc c'est lui qui avait il faisait le sketch avec du temps où Obama était président, il faisait un sketch où Jordan Peele faisait Obama et Keegan Michael Key faisait le traducteur en fait du d'Obama, et c'est pour ça que au dîner des correspondants, le sketch, enfin le truc a beaucoup tourné avec Obama qui dit son discours et Keegan Michael Key qui est en mode vénère derrière, qui fait la trad de ce que Obama voudrait vraiment dire, quoi. Et donc là en fait c'est dans le temps il dépasse quand même pas mal le côté genre je suis juste un comique. Après ça a rien de d'hyper violent hein, dans sa manière de transcender le truc hein. Il a pas pris un rôle méga dramatique d'un seul coup, mais là par exemple il vient d'enchaîner sur Netflix deux comédies musicales, The Prom, parce qu'il est aussi dans The Prom de Ryan Murphy, et où il joue un jeune, enfin un proviseur de lycée qui a un crush sur Meryl Streep. Et d'ailleurs je profite au passage que je pense que Keegan Michael Key a besoin de plus de rôles romantiques. C'est lui ou c'est Ou moi, une copine. ou c'est juste moi qui ai besoin de plus de films romantiques avec Keegan Michael Key, quand même. Et donc là, justement, dans Jingle Jungle, il a une autre facette, qui est une facette plus diabolique, enfin plus méchante, mais il le fait très bien. Enfin, c'est diabolique, pas un petit côté, quoi. Et c'est pour ça, en fait, il y a dans son interprétation, des petites choses où tu dis, s'il avait vraiment un rôle bien, un bon salopard bien diabolique, je pense qu'il pourrait le faire, quoi. Il y a Hugh Bonneville aussi qui a un rôle assez minime, parce qu'il joue le banquier et en fait il est juste là pour indiquer que le personnage de Forest Whitaker est en bonne ou en mauvaise posture dans l'histoire, quoi, c'est tout. On le voit je crois deux fois, hein, donc c'est pas fou. Mais bon, c'est Hugh Bonneville. Je sais pas si tu vois qui c'est, Hugh Bonneville, ou pas. Pas du tout. Bah en gros c'est attends. L'acteur de série, je le sens. Ouais, il a joué dans Downton Abbey, en fait c'est lui qui faisait le chef de famille dans Downton Abbey. Bon, il a fait, moi je l'ai vu dans d'autres séries aussi, machin. Enfin, il a fait un peu de tout. Alors attends, est-ce que j'arrive pas un rôle, un film vraiment notable avec Hugh Bonneville, parce qu'il a, il apporte ce côté un petit peu classe justement, tu vois, dans un rôle, truc très solennel et tout. Alors, dans quoi est-ce qu'il aurait pu jouer qui est notable? Bon, il a joué dans Paddington, je suis pas sûre que ça. Bon, tous les trucs british, quoi. Paddington 1, Paddington 2, tu vois, donc. Il était Je crois qu'il y a des... dans Money Man's Men aussi. Donc voilà. Ouais, mais je pense en fait, c'est le genre de mec, tu vois, t'as vu sa tête, mais tu pourrais pas citer son. T'as, tu connais son nom à part. Il y a des acteurs comme ça, tu connais leur nom à part, t'as déjà entendu le truc. Tu as vu leur tête quelque part aussi, mais tu peux pas, tu pourrais pas rapprocher la tête du nom. Donc voilà, c'est un peu ce genre d'acteur. Et en fait, bah, en fait, les acteurs masculins sont surtout entourés de nanas qui sont vraiment bonnes, hein, parce que c'est une comédie musicale et elle gère, quoi. Là, pour le coup, vocalement, c'est le nana. Alors, à part le premier, c'est-à-dire, en fait, le tout premier rôle musical, c'est une version jeune du personnage de Forest Whitaker, et lui, voilà, pour le coup, lui, il est vraiment bon aussi. Alors, attends, j'ai pas son nom, parce que je crois je suis pas sûre qu'il est, il est pas super connu, quoi. Mais je vois qu'il y a Ricky Martin dans le film. Ouais, il y a Ricky Martin. Attends, laisse-moi terminer. Il y a Ricky Martin, ok, je t'ai dit que Ménade était en bordel, mais quand même, mais il y a Ricky Martin, ouais, qui joue, bah justement, il joue un personnage de Pantin qui est arrivé, qui est remis à la vie, et il est un peu comme un Jiminy Cricket diabolique envers le personnage de Keegan Michael Key, justement. C'est à cause de lui que la trahison arrive. Donc attends, le personnage jeune, voilà, Justine Cornwell. Alors, s'il joue le personnage jeune de Forest Whitaker, et c'est pareil, en fait, il est vraiment très très bon. Enfin, il a une grande scène, c'est celle-ci, quoi. Mais bon, et puis on impose, il est assez, il est plutôt pas mal comme garçon. Donc voilà, il est très bon au chant. Mais surtout, donc je disais, chez les meufs, en fait, elles sont super compétentes. T'as Annika Noni Rose, en fait, ça a pas l'air, ça dira peut-être pas son nom comme ça, mais voilà, elle fait beaucoup beaucoup de télé et elle gère très bien les comédies musicales. D'ailleurs, elle était dans l'adaptation cinéma de Dreamgirls et elle est créditée à plusieurs BO de divers trucs TV, et elle a une super voix, quoi. D'ailleurs, c'est en version originale, c'est aussi elle qui fait la voix de Tiana pour La Princesse et la Grenouille, et du coup qui est la voix de Tiana pour tous les produits Disney, quoi, en gros, quoi. Il y a aussi Felicia Rashad. Bon, elle chante pas, hein, mon truc, mais bon, Felicia Rashad, c'était la maman de Cosby Show quand même, hein, et qui depuis, enfin, ces dernières années, qui tourne dans énormément de trucs, de téléfilms divers. Je crois qu'elle a la série là avec Jean-Claude Van Damme qui était passée sur Amazon. Elle est dedans aussi. Enfin voilà, j'ai l'impression de la voir partout, hein, ces dernières années. Donc on a dit Ricky Martin et outre les deux petites filles qui sont pas si mal, hein, notamment celle qui le rôle le plus important, qui joue la petite fille du personnage de Forest Whitaker, qui est assez flippante en fait quelque part, parce qu'elle est tellement bonne que des fois dans la danse, dans les trucs comme ça, il y a des gestuels qui font quand même très humain. On sent que la nana, elle est petite, je sais pas quel âge elle a, mais t'as l'impression qu'elle a des années de rôle derrière, quoi. Je trouve ça un peu flippant. Et dans les seconds rôles, tu as une nana qui est vraiment bien aussi, qui est pas du tout connue, qui a une carrière modeste à l'écran, c'est Lisa Davina Phillips. Et elle vient du théâtre, et on voit clairement le côté bourgeois dans sa performance, quoi. Parce qu'elle aussi, elle a une voix, elle a quelque chose. Parce que ça suffit pas juste de chanter, tu vois. Tu sens quand il y a Bredouille derrière qui fait, quand t'as une formation théâtrale, ça se sent direct, et là, ouais, elle est complètement solide, aux côtés des acteurs plus connus, quoi. Bon. Sur musicalement, bah t'as John Legend notamment qui a travaillé sur la BO, donc bon, c'est une prod assez, voilà, c'est important comme prod quand même. C'est censé se passer dans une époque victorienne, hein, mais il faut pas être rigide sur ce point-là parce que le côté victorien, c'est juste pour donner un côté conte de Noël, tu sais. Je pense que c'est du temps, tu sais, de l'histoire de Dickens, là, le fantôme futur passé, machin et tout, avec Scrooge. Je pense que c'est depuis ce moment-là, ils ont décidé que Noël, c'était époque victorienne. En Ils fait, ont leur fantasme. quoi? Ils ont leur fantasme. Oui, voilà. Donc c'était censé se passer dans cette époque-là. Bon, mais par contre, c'est plein d'anachronismes. Ah oui, le film est clairement orienté vers le public afro-américain. Artistiquement, en fait, il y a des influences. Dans le sens où tu as, par exemple, dans les coiffures ou dans les fringues, en fait, c'est victorien, mais adapté. C'est-à-dire que tu vois, la petite fille, la costumière, elle s'est fait plaisir, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a un tricot, mais c'est un espèce de mix entre le victorien et 70s, quoi. Ah. Ah ouais, je sais pas, c'est un truc très bizarre, en fait. Je dis que le mec, il y a un moment, je regarde le tricot, je fais, mais c'est victorien, ça. Très curieux, espèce de orange, La petite machin. ouais quoi. Ouais, non, mais du coup, ça donne un espèce de produit hybride qui est assez cool à voir. Même musicalement, à un moment, t'as de la musique africaine derrière, hein. Donc, t'as une scène, ils sont en train de se lancer des boules de neige, et d'un coup, tout le monde se met à danser sur de la musique africaine. D'accord. Mais ça passe crème, tu vois, parce que c'est le mood, en fait, qui fait ça. On est dans un. Tout est finalement assez fluide, en fait. Tu pourrais croire que ça pourrait déranger que c'est des cahiers comme ça, mais non, pas du tout. Donc c'est pour ça, époque victorienne, mais il faut absolument pas être rigide là-dessus. Il y a des petites animations, en fait, comme des petits dioramas mis en scène. Les mouvements de caméra sont assez fluides, en fait. Alors c'est assez classique, mais du coup ce genre de choses en fait renforce le côté conte. Parce qu'à un moment en fait faut expliquer certains trucs, donc ça va plus vite de faire comme ça. Et c'est ces moments où en fait tu as la voix de Félicia Rachad, en fait, qui parce que l'histoire c'est Félicia Rachad qui raconte en fait l'histoire de l'inventeur à ses enfants. Et donc, c'est dans ces moments-là, à ce moment-là, t'as l'animation qui prend le relais sur l'action. Les numéros musicaux sont bien filmés aussi. Et comme j'ai dit, vocalement, c'est les femmes qui tuent tout. Après, Keegan Michael Key et Forest Whitaker, bon, c'est pas des chanteurs à la base, hein, mais ils se débrouillent bien quand même, hein, pas mal. Il a un numéro danse vocale et tout, Keegan Michael Key. Je pense qu'entre ça et The Prom, je pense qu'il va commencer à se lancer dans un truc. Il a dû rentabiliser un peu ses heures de cours de danse ces derniers temps, j'ai l'impression. Et donc ouais, les femmes sont assez impressionnantes de talent. La BO est assez prenante, surtout la chanson du générique. Voilà. Bon après l'histoire, c'est rien de fou, hein, je veux dire. En plus, ça illustre le film illustre un bon vieux truc, c'est tout est possible si on y croit. Donc, Ouais, bah, c'est une nouvelle, quoi. Film de Noël, film familial surtout aussi. Enfin, il y a de ça, quoi. Le film en soi est vraiment pas fou. Les ficelles, enfin, les fi ouais, les ficelles du film familial sont là, mais en même temps, le travail est appliqué. Et ouais, j'ai largement envie de dire. D'ailleurs, en termes de comédie fiscale, voilà, j'ai vu le The Prom la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je sais plus. Je préfère Jingle Jungle en termes de comédie musicale que The Prom qui est un peu surfait, en fait. Enfin, là aussi, c'est un peu surfait, mais disons qu'il y a un petit loupé sur The Prom. Enfin bon, voilà quoi. Voilà. Donc, c'est plutôt sympatouille à voir en famille. Voilà, à Je vous, tu es t'entends une très fan. mal. Ah, je disais, à vous, tu es une fan de Keegan Michael Key. J'aime bien, ouais, j'aime bien. Mais ça n'empêche que le film est bien quand même. C'est à voir en famille. Enfin, il est plutôt sympa à regarder. Il y a vraiment beaucoup de travail derrière, quoi. Donc, voilà. Si vous avez des petits neveux, des petits enfants, voilà. C'est cool. Est-ce que j'ai une transition pour ton truc d'après? Non, pas de transition. Ben non, parce que on passe d'une ambiance à une autre, l'antithèse, the void. Oui, alors, si, quand même, on pourrait dire qu'il y a une espèce de transition, parce que le peu que je vois de Jingle Jungle, c'est qu'il y a des jolies couleurs, tout ça, etc. Ouais. Et The Void, on ne peut pas cacher que la photographie, Il y a des c'est jolies magnifique, couleurs. c'est magnifique, c'est bien foutu. Même l'affiche est très belle, The Void. Tu vas te faire une joie C'est de la vrai. reprendre le Sin on the Phone, avec tout ce qui tentacule qui, non, ce n'est pas du hentai. Alors, The Void, justement, du coup, parlons-en. Rentrons dans le vif du sujet. The Void, c'est l'œuvre de deux réalisateurs qui n'en sont pas vraiment à la base. Ils sont Jeremy Gillespie et Stephen Kostansky. Oh, on va arriver à le dire. Et qui sont ces gens-là? Eh ben, en fait, ce sont deux techniciens qui ont pas mal bossé dans les effets spéciaux. Par exemple, Gillespie, il a travaillé sur Pacific Rim, Father Day, La Forme de l'eau. On va dire que c'est un habitué de Guillermo del Toro. Ouais. J'entends plein de petits bruits, Katou. Je sais pas ce que c'est. C'est ma souris. D'accord. Repose cette souris. Repose cette souris. Voilà. Et du coup, en fait, ils ont travaillé sur pas mal de films, donc pour les effets spéciaux, tout ça, en art département. Gillespie a par exemple travaillé aussi sur ça, chapitre 2, sur la série du fils de Stephen King, Lock and Key, sur Shazam, etc. Bon, voilà, ils ont les mecs, ils ont un CV d'effets spéciaux, tout ça, qui est assez gros. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, ah ben, on se démerde bien avec nos effets spéciaux, on va peut-être faire un petit film. Et ces mecs-là, ils aiment bien les années 80, John Carpenter, Lovecraft. Alors, quoi de mieux comme bonne idée que tout mixer? En plus, ces dernières années, c'est pile dans l'état d'esprit. Et voilà. Malheureusement, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ou les bonnes intentions ne font pas forcément tout. Ouais. Et on s'improvise pas réalisateur. Il faut savoir mettre en scène, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut avoir un bon scénariste, ce qui n'est pas du tout le cas. Ah, c'est Il faut ballot. savoir délivrer les acteurs, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est ballot. Alors. Enfin, donc du coup, les qualités du film, on va le dire tout de suite. Donc, c'est les effets spéciaux sont très chouettes, très chouettes, très beaux. Il y a quelques scènes gore sauf à la fin, mais les mecs, ils ont soigné le truc. Ils se sont dit, et voilà, ils peuvent pas se tromper, quoi. La photographie est très belle, l'affiche est belle. Alors, par contre, l'affiche avec la typo qui reprend Halloween, The Void, avec la typo d'Halloween, tu te dis, le cinéphile aurait dû se méfier. Mais le cinéphile se méfie pas assez. Et du coup, par contre, on va me dire. Que j'étais assez difficile avec le film. D'ailleurs, Ouais. on me l'a dit quand j'en ai parlé un peu rapidement du Ouais. fait de critique. On m'a dit que j'avais été trop sévère avec le film. Alors, je vais tout de suite dire un truc. Ouais. On a beau adorer Lovecraft, en tant que fan de Lovecraft, on n'est pas obligé de se jeter sur les premiers ouvres qu'on nous donne à ronger. Parce que C'est pas faux. je vois nombre de gens qui disent, oh, la couleur tombée du ciel, c'est génial. J'ai fait, non. Alors, The Void est j'ai génial. bien aimé, moi, la couleur tombée du ciel, hein. Mais après, de là à dire que c'est génial, c'est surtout, en fait, c'est très personnel comme film. Et c'est au moins, il y a une vraie proposition. Alors oui, Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. c'est pour ça que je suis quitte à choisir entre The Void et la couleur, je choisirais la couleur justement. Parce que la couleur, au moins, il y a la mise en scène. C'est Ouais. pour te dire à quel point The Void se prend les pieds dans le tapis. Oh, oh la Mais vache. voilà, mais pour terminer un peu la parenthèse, la couleur tombée du ciel, le problème c'est que la meilleure adaptation que j'ai pu en voir, c'est une adaptation en bande dessinée. Quelques années avant, j'ai eu une adaptation en bande dessinée de la couleur tombée du ciel Lovecraft, qui est disponible chez nous en France aux éditions Delcourt. Il faut chercher, il faut taper Delcourt, bande dessinée, Lovecraft, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Mais en juste 10 pages, il reprend La couleur tombée du ciel et il en fait un truc monstrueux. Comment Richard Stanley, pour moi, se plante les dents, se casse les... Alors, en essayant d'adapter à l'adaptation d'adapter au monde moderne, etc., ça part d'une bonne intention. Mais du coup, il y a plein de trucs qui passent à la trappe, etc., parce qu'il a voulu trop adapter, trop bien faire. Mais en soi, même si j'ai moyennement aimé La couleur tombée du ciel, justement, là, c'est une bonne intention qu'on mérite de souligner, parce que The Void, voilà. Et d'ailleurs, pour me revenir sur The Void, Ouais. le film, comme j'ai dit, les mecs sont fans de Lovecraft, mais aussi de John Carpenter. Donc, on te reprend un petit peu de Halloween pour The Void, pour le titre. Là, ça se passe dans un hôpital qui est pris d'assaut. Bah, en fait, c'est proche du commissariat de Assaut, de 76, de Big John. Dans Assaut, c'était un commissariat qui était en train de changer du district, qui était en train de déménager. Donc, il n'y avait plus beaucoup de flics, tout ça, il n'y avait même plus de trucs. Là, c'est un hôpital qui est en train de déménager, etc. Bon, déjà, tu vois, dès le début, tu fais, OK. Il y a une Toi, créature qui monte. tu vois trop de similarités par sur plein d'autres trucs, c'est ça? Les similarités, elles te pètent les yeux, quoi. La Ah créature ouais. qui pense à The Thing. Il y a une scène avec un miroir qui a une porte dans l'autre monde qui pense à Prince of Darkness. Et les mecs, Ils vont même te reprendre la fin de Prince of Darkness pour la fin de The Void. Pourquoi la couleur machin, en fait, t'avais aussi une créature, en fait, qui faisait... Moi, je l'avais vue, elle est, enfin, au pif, et tout le monde avait dit, ah, bah forcément, c'est The Thing, quoi. Donc... Bah, c'est The Thing, parce que tu remplaces aussi les chiens par les alpagas que Nicolas Cage élève, donc c'est Ouais. un peu la même chose. Si la créature aurait été contaminée autrement, on aurait un peu moins pensé à The Thing, je pense. Tandis que là, par exemple, la fin, bon, je vais pas raconter la fin de Prince of Darkness de John Carpenter, mais là, il te reprend quasiment la fin du film, tu fais, waouh! Et ça débouche encore sur un autre pompage avec la fin de X-Tro 2. Tu fais, what the fuck? Et même le maquillage du méchant final, il te reprend Hellraiser. C'est incroyable. Dis, les mecs, ils se sont fait plaisir, d'accord, mais putain, Des influences, hein. les cinéphiles sont pas cons, quoi. Et le pire, c'est que tu dis, quand sur l'affiche, tu dis, bon, c'est pas grave, il n'y a rien marqué sur l'affiche, et puis après tu vois l'affiche française où tu vois marqué le producteur de Ouh, quand on te voit marquer ça va être une bonne grosse daube. Et là, du coup, c'est marqué par les producteurs de The Witch. Faut toujours insérer un grand succès auprès du grand public, tu sais, qui a marqué il y a 5 ans en vente, tout ça, parce que sinon le grand public a la mémoire courte. Donc tu vois, par le producteur de The Witch, il se dit, il essaie de rattraper le film, donc ça va être une bonne grosse daubasse. Eh ben oui, c'était effectivement une bonne grosse daubasse. Ah, c'est dommage. Bon, alors un dernier mot pour finir sur les acteurs, parce qu'on n'en a pas Yes. parlé. Alors les acteurs, c'est les acteurs de second rôle, etc., qui sont pas mauvais. Ouais. Mais je pense qu'ils sont très mal dirigés. Par exemple, parce qu'on a Arthindle, il n'est pas très connu, est-ce que vous jouez des second rôles? C'est lui, par contre, qui a le premier rôle chez David Cronenberg pour Chromosome 3. D'accord. Donc oui, et là, effectivement, il est plutôt jeune. Il a aussi joué dans Black Christmas. On voit Helen Wong qui a joué la jeune fille qui s'appelle Knife dans Scott Pilgrim le film. Ah, d'accord, ouais. Voilà, elle a aussi un second rôle là aussi, etc. Et on voit par exemple Kenneth Walsh, c'est qui? Acteur second rôle pile poil, c'est lui qui fait le méchant Windom Earl dans Twin Peaks. Donc on voit plein de ce petit monde, etc. Tu vois, c'est le petit jeu, tu dis, ah mais je sais quand il a joué lui, ah oh, ben dis donc, etc. Mais voilà, c'est pas des gens qui sont forcément mauvais, mais là il faut croire qu'ils sont mal dirigés quand tu vois le Ouais. du film. Avec un scénario qui est écrit sur un papier cul, qui essaie d'expliquer lourdement à la dernière demi-heure, oui, mais regardez, on a ouvert une porte dans notre monde, regardez, il y a une secte chelou, c'est moi, c'est mes adeptes, etc. Oh putain. Du coup, le film ne dure qu'une heure et demie, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il durait 3 heures. Ah. Donc voilà. Alors oui, c'est peut-être dur, mais il faut Ouais, savoir parce trouver quelque chose. que moi j'avais entendu, j'ai vu de bons échos, mais après, enfin, c'est le problème, c'est que quand t'es pas dans le même mood que tout le monde, en fait, forcément, on va te dire que t'es super dur, quoi. Ouais, je suis pas super dur, je suis fan de Lovecraft, donc déjà, quand j'entends bien un modèle ton qui me dit que, oh, mais non, les montagnes hallucinées, je vais pas le faire, ça me prendra trop de temps, etc., j'ai envie de faire. Mais putain, mais si, fais-le! Tu en indépendant, tu mets pas un studio qui va te faire un truc R qui sera interdit au moins de 17 ans, tu le fais en indépendant, Guillermo, donc tu reviens à tes productions, t'es obligé, sinon t'auras jamais la liberté totale sur le film. T'es Donc obligé, t'as entendu Tarantino, t'as entendu oui. Non, Guillermo del Toro, Guillermo del Toro. Pardon. Je pense pas que Tarantino soit une fan de Lovecraft, justement. Ça pourrait être drôle. Ça donnera un truc un peu hybride, mais. Ouais. Donc pour finir pour The Void, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a pas mal de fans qui, dès qu'il y a un truc qui est tiré de Lovecraft, ils se jettent dessus pour dire oh c'est fabuleux, c'était génial, etc. Et j'ai envie de dire non, parce que le problème c'est qu'il y a des bonnes adaptations de Lovecraft qui sont plus ou moins libres. The Thing, voilà. L'Entre la folie, eh ben c'est adapté plus ou moins de Lovecraft, et même dans L'Entre la folie, Sam Neill va lire des lignes qui sont tirées d'une nouvelle de Lovecraft, c'est qui s'appelle Les rats dans les murs. Et c'est génial, c'est presque un hommage indirect, c'est génial. Et il y a même Dagon, Stuart Gordon qui a souvent adapté Lovecraft, que ce soit Reanimator, que ce soit Ouais. Beyond, Novella. Pour moi, Dagon, c'est le plus réussi des adaptations de Lovecraft. Tu vois. Donc les bonnes adaptations existent, il faut les chercher. Elles ne sont pas assez mises en avant. D'accord. Ou alors, elles ne sont plus assez mises en avant. Mais là, C'est possible. c'est un autre débat cinéphile du genre c'était mieux avant, le streaming c'est mal, etc. Je ne rentre pas dans ces considérations, vu que pour moi on trouve des choses aussi bien en salle qu'en streaming, voilà, donc bon. Ouais. Est-ce qu'on a l'air Voilà, de se voilà. poser des questions sur le streaming ou les salles? Voilà, le streaming, Netflix, tout ça, etc. On en reparlera une autre fois. C'est Voilà, ça. voilou. Donc, critique un peu négative, mais c'est bien, The Void l'a mérité. Ouais, bon, c'est déjà ça, écoute. Toi, qu'est-ce qu'on peut embrayer avec? Je vais enchaîner sur un truc. C'était quoi l'histoire de The Void, tu l'as dit? Je m'en souviens pas. Je l'ai survolé vite fait en disant qu'il y a un hôpital qui est pris d'assaut, une Ah, petite voilà, cellule, merci. etc. En fait, l'histoire, elle est écrite sur du papier cul, quoi. Donc, Oui, c'est pour ça en fait que t'as été assez invasif. Oui, et puis en plus, quand les acteurs sont mal dirigés, c'est que toutes les 2 secondes, les acteurs, à chaque fois, ils font « Oh, calmez-vous, calmez-vous », en train de demander un flingue sur l'autre, de prendre en otage quelqu'un d'autre. « Calmez-vous, calmez-vous », toutes les 5 minutes, etc. Puis, mais putain, mais c'est bon, là, c'est bon, on a compris, ils développent plus les personnages, quoi. Ah, oh. Ah, c'est récurrent, quoi. Alors, moi je vais enchaîner avec l'invasion de Mars, Salut aux parents! vient de Mars plutôt, de Tobey Hooper, qui est un film Du coup, qui... j'ai pas la pouvoir, Marcène! Oh la mon Dieu, oh putain, c'est Mickey là. T'as une voix, mais de... tu ferais bien Mickey en fait. qui est un film de 86, donc de Tobey Hooper, qui a été produit par la Canon, par le duo Golan Oui, c'est Golobus. sympathique quand même. Ouais, et il en a, enfin il y en a trois qui ont été produits par Golan Globus, et en fait ça c'est, je crois que c'est le deuxième, un truc comme ça, ou le premier, je sais plus. Tu Donc veux lui, dire dans les films de Tobey Hooper? ouais. Parce que Life Force a été produit par la Canon, si je me souviens bien. Life Force Voilà, donc était c'est le juste avant deuxième. l'invasion de Myanmar. C'est le deuxième. Puisqu'apparemment, il est entre Life Force et Massacre à la tronçonneuse 2. Et Life Force avec Mathilde Amé qui est toute nue pendant tout le film. quoi? Vous visez Life Force avec Mathilde Amé qui est une prestation d'actrice de haut niveau, elle est toute nue pendant tout le film. Oui, bon, on sent bien la prestation à Oscar. Ah oui. Donc. L'histoire de l'invasion de Mars, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui aime beaucoup l'astronomie, tout ça, et qui un jour voit des extraterrestres attirer dans le jardin, en gros, et enfin derrière chez lui, et il est en panique, il va prévenir ses parents. Bon, finalement, on lui dit, ah, mais non, tu vois, t'as rien, recouche-toi. Mais dès le lendemain matin, son père est un peu chelou. À l'école, petit à petit, de plus en plus de gens sont un peu chelous. Et au final, bah, il y a plus qu'avec son infirmière, en fait, où oui, ils sont deux personnes un peu contre les extraterrestres, en gros. Je schématise à mort, L'invasion des profanateurs de ces cultures, mais revue, corrigée. Bah, tu sais quoi, j'ai pensé à The Faculty, moi. Tu voyais le truc dans une Ah, école avec... mais The Faculty, c'est une autre version, du coup, pour les ados, tandis que là, c'est plus pour les enfants, quoi, certainement. Oui, alors, bah oui, bah, laisse-moi le dire, en fait. Et du coup, ouais, donc ça se passe dans une école, ça, il n'y a plus que l'infirmière. Alors, à savoir que dans les premiers rôles, donc le petit garçon, c'est, alors, l'infirmière est jouée par Karen Black, et il se trouve que le petit garçon, c'est Hunter Carson, qui est le fils de Karen Black. Oui, et on le voit dans Paris, Texas, je crois. C'était le rôle qu'il avait avant, ouais. Et donc voilà, donc c'est un Il peu. est trop mignon, gamin. Hey, si t'arrêtes pas de parler toutes les 5 minutes, je vais pas pouvoir en parler en fait. Donc, l'invasion vient de Mars. Tu vois, je sais plus où j'en suis, tu vois. Donc, en plus, tu parles mal dans le téléphone. Allez, parle bien là. Je n'ai même pas bougé. Le générique, enfin, le générique est déjà dès le début un peu dérangeant parce que il y a des espèces d'effets comme ça qui peuvent paraître très jolis, mais en fait, du coup, on n'a même pas le temps, on voit mal les noms, on n'a pas le temps de les lire, quoi. Donc, c'est un peu un loupé, c'est un truc pour faire genre, mais bon, moyen. Il y a Stan Winston qui a bossé dessus. Le costume du film, c'est la femme de Tobey Hooper. Donc, un travail en famille. Après, en termes de doublage, c'est un peu toutes les voix classiques qu'on va reconnaître. Hein. J'ai pas les noms, mais que ce soit la voix du gamin ou enfin, ou toutes les voix des second rôle et tout, c'est typiquement les voix qu'on entendait dans les années 80. Donc, enfin, je trouve que ça participe à donner un côté familier au film. Ensuite, parce qu'on aurait pu hériter de mauvais doubleurs, machin et tout, mais même pas. Puis ça aurait été peut-être plus drôle, je sais pas. Mais il y a un truc très curieux, c'est qu'à un moment, elle sert le petit déj à son mari et à son fils, et elle dit, elle les appelle les enfants. C'est-à-dire que je trouve ça cruel envers le personnage de la mère de famille, parce que finalement, ça la ramène à sa condition, genre, c'est la maman, et puis son mari, il est compté dans les enfants dont elle soit à s'occuper, quoi. Je sais pas si on pourrait faire la même chose de nos jours, comme détail, quoi. Enfin, comme détail de dialogue, quoi. Peut-être un peu une manière affectueuse, mais... Non, mais même affectueuse, t'appelles pas ton mec les enfants, en fait. D'accord. Bah non, non, non. Ah, d'ailleurs, est-ce que elle est devenue une extraterrestre, elle aussi, ou pas? Ouais. Ah, ben, c'est Mais t'as normal, fini de vouloir spoiler le truc. Mais alors. pas tout de suite. Pas tout de suite. Enfin, a priori, pas tout de suite. Non, parce que c'est très chelou, en fait. Alors que quand il joue, alors je sais pas si c'est le doublage français, parce que je l'ai vu en français, mais d'un coup, c'est comme s'il jouait super mal, quoi. Donc, Oh. c'est quand on est en extraterrestre, quoi. Alors concernant le film, en fait, c'est assez curieux parce que tu as l'impression que le personnage de l'enfant devient l'adulte. C'est-à-dire que c'est lui qui mène tout le monde, c'est lui. T'as un moment quand il est en cavale avec l'infirmière, en fait, l'infirmière est un peu fragile et tu te dis, mais c'est pas, enfin, c'est pas possible, c'est comme si c'était lui qui devait la protéger, quoi, tu vois, alors que c'est un gosse. Et donc du coup, enfin, t'as des petits trucs comme ça où l'infirmière fait, ah, j'ai peur et tout, serre-moi contre toi, enfin, quoi? Et pareil, le gamin il sait tout, c'est-à-dire que les militaires ils font oui d'accord ok d'accord David tu sais ce qu'il faut faire d'accord ok ça va c'est un gamin quoi et c'est en fait c'est t'as l'impression que le film est un fantasme d'enfant en fait qui cherche sa place qui cherche à devenir important en fait c'est genre on va dire que je vais sauver le monde et que je vais sauver l'univers c'est un peu ça m'a donné cette impression-là quoi Ouais, et du coup, c'est ça, enfin, c'est ça qu'en fait un film familial, c'est l'importance du gamin dans l'histoire, quoi. On sent que c'est les gamins sont censés s'identifier aux gosses, quoi. L'infirmière, sinon, elle ne sert à rien, donc autant le dire. Si ce n'est d'être un crédit, d'être le crédit adulte qui croit le gosse, mais à part ça, c'est il y a des moments très chelous, quoi. Genre, il tombe sur les extraterrestres et le scientifique qui s'élance vers les extraterrestres. Peut-être t'as les mitards qui s'apprêtent à les canarder. Il fait, attendez, mais vous vous rendez pas compte, hein, les extraterrestres et tout. Et là, d'un coup, le scientifique qui s'amène vers les extraterrestres qui n'ont pas l'air hyper friendly et qui fait, hey, ça va, les gars? Tu vois, sur. Mais. C'est bon, c'est des trucs, tu sais, c'est des trucs typiques qui font complètement kéké pour ces films-là dans les années 80 et qui du coup en fait vieillissent très mal quand tu le vois en arrière quoi. Je sais même pas si ce genre de truc c'était visible correctement à l'époque sans rire quoi. Sinon ouais, alors quand ils explosent les extraterrestres, c'est un moment très clownesque d'ailleurs parce que d'un coup t'as les tripes des extraterrestres qui arrivent à la gueule des soldats. Enfin ouais, c'est super clownesque. Pouf, voilà une tripe d'extraterrestres. D'une manière générale, les militaires sont un peu pinniclés, donc ça renforce vraiment le côté c'est le gamin qui sait tout quoi. L'intérieur du vaisseau extraterrestre qui est en sous-terre en fait enfin on sent qu'il y a une intention esthétique c'est juste qu'on sait pas trop laquelle en fait c'est assez flou sinon il y a une espèce de gros cerveau qui est censé être le commandant des extraterrestres un truc dans ce genre-là ça donne une ambiance Doctor Who quoi c'est enfin ça dans le vaisseau avec le gros cerveau et puis les extraterrestres je te jure que ça n'a rien à envier à Doctor Who. Le garçon en fait qui se met le petit garçon à un moment qui se met à négocier avec les méchants, ça reste quand même le summum de la scène familiale agaçante quoi. En plus pendant tout le film, il a une instinct qui a été donc envahie par l'extraterrestre et à chaque fois elle l'appelle pas David, elle l'appelle David Gardner, son nom en entier. Elle fait, hey David Gardner, hey David Gardner, et ça met, c'est le truc qui met la puce à l'oreille pour un autre truc en fait, c'est que donc là il y a une ah mais attends c'est quoi ça c'est ah oui bah donc sa vieille instite en fait qui se fait manger par erreur voilà ça aussi c'est très clownesque c'est ridicule c'est vraiment des trucs comme ça tu me dis c'est Tobey Hooper qui l'a fait ok d'accord et puis tu vois le truc tu dis non mais non non non c'est le Flamme Michael quoi et donc ouais c'est familial mais en même temps tu as des militaires qui tirent partout tu vois C'est deux salles, deux ambiances. Très bizarre, ça me fait penser à tout à l'heure, la manière dont on parle. Ouais. À Les clowns tu as envie d'ailleurs qui sortira 2 ans plus tard. Oui, mais je l'ai vu aussi. Bon, j'en ai un peu de souvenirs, j'avoue. Le gamin qui mène la charge des militaires, ça, en gros, il les mène, il leur montre tout, machin et tout. Tu te dis, mais what the fuck? En plus, c'est lui qui trouve comment faire sortir tout le monde. Tu te dis, mais ça va quoi les militaires en fait? C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que il leur file la solution, mais en gros, le gamin, il sait tout. C'est-à-dire que oui, mais tu sais, c'est parce que les extraterrestres, tu vois, ils aiment le cuivre ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, scientifiquement, tu te dis, mais les militaires, ils sont venus sans scientifique battre les extraterrestres. Du coup, c'est le gamin qui aime l'astrologie, qui sait tout. C'est je suis non, il y a un truc, ouais, ça cloche vraiment. Et alors, truc très drôle aussi, c'est-à-dire que le gamin, il sait tout, t'as l'impression qu'il est super important, mais au moment où il faut faire sortir tout le monde, les militaires, ils s'occupent de faire sortir l'infirmière en laissant le gosse derrière, quoi. Donc, il a pu... ça y est, on est sorti, on s'en fout de ta gueule, au revoir. Par contre, la gonzesse, on va la garder. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ouais, j'ai envie de le voir maintenant, c'est sûr que... Mais attends, je vais spoiler un truc c'est qu'en fait, pourquoi Katou, est-ce que, ça saccade, pour, on n'entend plus trop bien. quoi? Ça saccade, Katou. Oui? Ah, mais donc, pourquoi est-ce que son instinct, elle passe son temps à l'appeler David Garner? C'est pas juste parce qu'elle a l'habitude de l'appeler David Garner. C'est parce que lui-même, en fait, il se fait tout le temps appeler David Gardner à l'école parce que, en fait, tout ça, c'était un rêve. Oh non! Mais, sauf, c'est un rêve, quoique. Voilà, la scène de la fin, c'est quoique. Donc, il y a toutes les ficelles de trucs attendus entre le film familial. Il y a tout le cahier des charges, genre il faut une fausse fin, enfin tu sais, voilà, c'est très spécial. Je pense que on aurait eu des adultes qui accompagnaient, qui n'étaient pas ensemble à la base, ils auraient été ensemble à la fin si ça avait été le cas. Je pense qu'il manquait plus que ça comme cahier dans le cahier des charges. Mais il a tous les défauts des films de cette époque. Enfin, Mais justement, est-ce que tu penses, connaissant le pauvre Tobey Hooper qui n'a pas vraiment de chance sur pas mal de projets, et à chaque fois il y a des projets qui ont échappé, il faut se rappeler quand j'ai parlé du Crocodile de la Mort, comment le film a été un peu. Crocodile de la Mort, quelques années avant, comment il a été un peu voilà, Ouais. massacré. Est-ce que tu penses que l'invasion de Mars, Tobey Hooper n'avait pas autre chose à la base en tête et que les producteurs lui ont fait non, etc., faut pas que tu fasses ceci, tout ça Ben, j'en sais rien parce que Glenn Globus, ils étaient quand même. Enfin, c'est pas des. Ça n'avait pas l'air le genre de mec hyper restrictif. C'est-à-dire que les gars, ils étaient là, allez, s'il faut y aller, faut y aller. Enfin, voilà, c'était. Je sais plus, c'était. Je crois que c'était Rurik Salé à l'étrange festival qui avait présenté un truc en parlant de Men and Golem, qui avait dit c'était un mec larger than life, en fait. Donc, ça me paraît pas hyper. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça correspond à ça. Non, mais après, il peut avoir eu une phase hyper vide. Après, il faut préciser aussi que c'est un remake. C'est le remake d'un film qui s'appelle Les envahisseurs de la planète rouge par William Cameron Menzies et qui date de 53. Donc, voilà, donc pour l'anecdote, en fait, celui qui faisait le gamin dans la version de 53 joue dans cette version-là de 86 de Tobey Hooper, il joue le chef de la police, voilà. Mais c'est d'ailleurs, on parlait de Life Force, il est visible un moment dans une petite scène très rapidement, une scène de film. Mais voilà, donc les envahisseurs de la planète rouge. Faudrait que je me le mette d'ailleurs, parce que j'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder ça, mais ne serait-ce que pour faire le comparatif. Mais oui. Mais c'est on peut dire que c'est un peu un remake raté, quoi. Enfin, je sais, il aurait pu ouais, mais c'est le piège aussi, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y avait je crois que commercialement, en fait, c'était bien de commencer à axer ça sur les gosses, quoi. Donc c'est l'erreur. Ils auraient pu en faire un truc, parce que les créatures, quand tu regardes, en fait, elles bougent comme un truc pour enfants. Mais en même temps, il y a des détails, en fait, qui, voilà, qu'auraient pu faire un truc pas pour enfants, mais en même temps, ils ont fait un truc rond. comme pour les gosses, enfin c'est, on sait pas trop, on dirait qu'il sait pas trop sur quel pied danser en fait, et que comme s'il avait été obligé de faire un truc pour les gosses quoi, enfin Peut-être parce que voilà. dans le film des années 50, il y a un gamin, etc. Il y a le chef extraterrestre et plein de trucs, donc bon. Ouais, mais je pense qu'on peut faire un truc avec des gosses sans forcément axer le film là-dessus, alors que là c'est vraiment devenu voilà, c'est un film, c'est voilà, c'est un gamin qui s'imagine un héros, voilà. C'est ça que j'ai l'impression que ça me fait. En 2020, il faut bien s'en sortir. Ah non, pardon, c'est pas 2020. Donc on va passer d'un grand réa à un connu à un autre, avec toi pour Citizen Kane d'Orson Welles. Oui, eh ben écoute, du coup, quand j'ai appris que Monk était sorti sur Netflix et que ça s'est basé sur la vie de Mankiewicz, un peu Mankiewicz, le scénariste de Wells pour Stephen Kane, je me suis dit, bon, on va peut-être un peu se remettre dans le bain, et puis c'était peut-être l'occasion de se revoir avec Stephen Kane que j'ai pas revu depuis une vingtaine d'années. Ouais. Donc, et c'était effectivement, c'est une bonne chose de revoir le film, parce que même si c'est pas un film préféré, tout ça, que j'emporterais sur une île déserte, oui, là, je vois déjà les cinéphiles qui commencent à se préparer à me balancer des tomates. Par contre, en revanche, le film, il reste toujours aussi passionnant, quoi, c'est toujours aussi fascinant à voir, c'est une leçon de mise en scène et de scénario qui est toujours incroyable, quoi. Dès l'ouverture, je sais pas si tu l'as vu, Cher Katou, Citizen Kane. Si, y a un petit moment, ouais. Ouais, l'ouverture, elle est étudiée dans toutes les écoles de cinéma, et on est obligé un peu d'en parler. L'ouverture du film, c'est quoi? On voit des plans, en fait, de plus en plus rapprochés avec une grille, et puis on voit la caméra qui commence à surplomber la grille, qui va de plus en plus au-dessus. Tu as plusieurs plans, et tu vois un peu comme si tu rentrais de plus en plus dans un territoire interdit. Tu Ouais. vois derrière la grille, il y a le château, une espèce de grand château qui est en fait la demeure de Xanadu, la grande demeure Ouais, de ouais, ouais. Kane. Et en fait, la caméra, donc, elle va pas rentrer derrière la vitre. Tout le monde, il y a des gens qui disent, etc., qui ont pas vu depuis longtemps, qui disent non. D'ailleurs, parce que là, je suis en train de la remater, là, parce que je l'avais sur mon ordi. Je me demande, c'est de la maquette, tout ça, parce que... Il y a beaucoup de peintures à Ouais. l'écran qui sont magnifiques, et les Ouais. maquettes Sur aussi. l'arrière, ouais, c'est de la... Ouais. On dirait un mélange, ouais, peinture avec à l'avant... Quoique, y a les petits singes, donc ça peut pas être de la maquette. Mais Pas du oui, tout. peinture à l'arrière avec deux, trois décors grandeur réelle, hein, d'abord. Il doit y avoir un Il petit y peu aurait de tout. même des incrustations de plans en image, et c'est ça qui est assez génial, parce que comme je disais, donc la caméra, elle voit à travers la fenêtre, et là de l'autre côté, après, il y a un contre-champ, on est de l'autre côté de l'écran, on voit juste la respiration de quelqu'un qui se lève, et une main qui commence à tomber, mais au même moment où la main va tomber, il y a juste un gros plan d'une bouche avec des moustaches, une bouche donc d'un vieil homme âgé qui va juste dire le mot Rosebud. Et là, on voit juste un plan sur la boule de la boule, tu sais, une boule de Noël avec de la Ouais. neige dedans, qui tombe, qui se brise, et à travers les reflets de la boule, on voit la porte du fond qui s'ouvre avec une infirmière qui arrive, qui se précipite. Mais rien que ça, tu te dis, on est en 1940 et tu te dis, ah ouais, c'est quand même classe, quoi, le truc, rien qu'en mise Ouais, en scène, il faut quand même. l'infirmière dans le reflet de la boule, c'est quand même assez, c'est vraiment cool. C'est, enfin, il y a une bonne idée de plan, quoi. Tous les plans, que ce soit dans le milieu, au début du film, à la fin, etc. C'est des leçons de mise en scène. Je dirais pas que tout le film est parfait d'un point de vue mise en scène pendant tout le long, mais on sent, voilà, il faut savoir que c'est le premier film d'Orson Welles à la réalisation et aussi en tant que co-scénariste avec Mankiewicz. Mais on reviendra justement sur la partie un peu de scénario en parlant de Mank et en tant qu'interprétation. Et là, du coup, l'interprétation de Citizen Kane, elle m'a scié. Parce que Orson Welles joue Charles Foster Kane à plusieurs âges de sa vie. Tout le film, c'est peut-être c'est dur d'avoir un biopic parce qu'on n'a jamais la vie entière d'un homme dans un biopic. Et c'est justement une citation que Mank dans le film sur va dire que c'est difficile de résumer la vie d'un homme en 2 heures, au moment où il le dira lui-même. Et là, Citizen Kane, du coup, c'est une espèce de biopic détourné parce qu'on a la vie d'un personnage imaginaire, Charles Foster Kane, mais qui est en fait basé sur le grand magnat de la presse qui était William Randolph Hearst à l'époque. Et c'est une biographie imaginée. Et en fait, on va pas voir le personnage grandir, vieillir. On va voir en fait les différents points de vue de tous les personnages qui l'ont côtoyé. Tout ça pour montrer l'ambiguïté d'un homme qu'on n'aura jamais vraiment connu. Pour certains, il sera un salopard. Pour d'autres, il sera quelqu'un de bon, généreux, etc. Tout ça, c'est pour montrer que la nature humaine, elle est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Et c'est au spectateur, du coup, de se faire son avis sur ce qu'il a vu avec les différents témoignages qu'il finit par recouper. Et Kane en lui-même, donc, est joué par Orson Welles. Et Orson Welles, donc, on le voit jouer donc Charles Foster Kane à la vingtaine, à la quarantaine, à la soixantaine, grimée avec le maquillage, mais ça tient parce qu'il y a aussi le jeu d'acteur. Et c'est incroyable de voir quelqu'un qui a à peine 25 ans, qui va faire tous les rôles de la vie, etc. Tu te dis, voilà, on comprend mieux le culte autour de Citizen Kane, etc. Ouais, On pour comprend l'époque, d'ailleurs c'était vraiment bien. beaucoup mieux le culte qu'à l'époque, le film s'est planté. Quand il sort aux États-Unis, quand il sort donc en 41, le film va être un échec monstre. La RKO ne va pas pouvoir rentrer dans ses frais, et même Welles, il va avoir du mal ensuite faire son deuxième film, qui va se planter encore plus, La Splendeur de Anderson. Et par la suite, Welles va être étiqueté comme auteur maudit. Mais d'ailleurs, Welles va un peu devenir un peu, se rapprocher un peu de Kane, parce qu'il y a un peu la fouille des grandeurs en vieillissant aussi, d'ailleurs, faut pas s'en cacher. Et du coup, en fait, le film ne sera, déjà, le film, il sort en 46 en France, donc après la Seconde Guerre mondiale. Il y a les critiques de cinéma français comme André Bazin, le père spirituel, le mentor de Truffaut, André Bazin, qui est au cahier, qui va, du coup, faire beaucoup de trucs pour que le film soit réévalué. Le film ressortira aux États-Unis en 56, il va être réévalué, etc. Et finalement, le temps en fait son œuvre, puisque le film est étudié en école de cinéma, en fac de ciné, tout ça, etc. Mais à sa sortie, ça fait un four. Et je pense que le public et les gens n'étaient pas prêts, parce qu'il faut voir comment le film est d'une richesse ahurissante. Et ce genre de film avec la mise en scène ne va pas tomber dans les oreilles d'un sourd, ou plutôt dans les yeux d'un aveugle, puisque quand on voit Rebecca en 40 de Hitchcock, mais aussi Les Enchaînés en 46, on voit les gros plans avec un petit verre de lait qui serait possiblement empoisonné chez Hitchcock. Là, ici, dans Citizen Kane, il y a un verre au premier plan qui est agrandi, où il y a une cuillère. On comprend, rien que par l'image, que la femme avec qui Kane il sort, elle a tenté de se suicider, etc. Il y a, enfin, c'est brillant, quoi, pour l'époque, et même encore aujourd'hui, c'est riche et intelligent. Voilà, il n'y a pas besoin de tout mâcher au spectateur, quoi, le spectateur comprend. Mais peut-être qu'effectivement, le film était peut-être un peu trop novateur, parce que comment ranger Citizen Kane? C'est quoi? C'est un biopic? Pas exactement, mais oui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un témoignage? Oui, en même temps, ça parle politique, ça parle de la presse, ça parle de beaucoup de choses qui touchent à l'Amérique, d'ailleurs, en elle-même. Et c'est pas étonnant que Hearst, le grand magnat de la presse, va se sentir complètement visé, visé à fond, et va tout faire pour abattre le film avant sa sortie, avec des campagnes, etc., contre le film dans les anciens journaux, et aussi après sa sortie. Donc voilà, et ça, Mank reviendra dessus, parce que Mank va aussi épingler les années 30, mais on y reviendra. D'accord. Donc, voilà. Je vais pas trop en dire plus, parce que j'aurai l'occasion d'y rebondir un petit peu sur Mank, justement, parce que Mank parle du processus créatif de Citizen Kane. Donc voilà, mais c'est un film qu'il faut, effectivement, tout cinéphile peut et doit se revoir de temps en temps. Et je suis content, finalement, un peu grâce à Fincher, de m'être vu le film, parce que ça n'a pas pris une ride, et pour moi, c'était une redécouverte avec magie et ébahissement, quoi. Je dirais pas que c'est un film de Noël, mais c'était peut-être la bonne période pour le voir, quoi. Donc ça fait plaisir, quoi. C'est fait plaisir à voir. Et moi, ça me donne envie de me repencher sur la carrière d'Orson Welles, comme j'ai dit, qui est un auteur maudit, mais qui était quand même un cinéaste et acteur qui avait du talent, un talent fou. J'ai envie de me revoir des films de Orson Welles. Ça fait longtemps que je m'en suis pas revu, quoi, d'ailleurs. J'ai pas mal de trucs à voir et à découvrir. Voilà. D'accord. Alors, OK. pour finir un peu là-dessus, avant Oui. que tu enchaînes avec ton grand film à toi, est-ce qu'il est nécessaire de voir Citizen Kane avant Mank de Fincher? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Non, ce n'est pas nécessaire puisque Mank part dans d'autres directions, mais quand tu vois Citizen Kane avant, ça fait plaisir parce que Mank, il fait par moments écho. Pardon, tu vois, j'ai envie de dire que c'est pas nécessaire, mais Si pour t'as la faire. référence, c'est mieux, quoi. Je dirais pas que c'est mieux, mais c'est un petit clin d'œil en plus, une espèce de par truc méta. Truc méta, t'es content d'avoir les petits clins d'œil de Stephen Rowe, tout. Mais sinon, on D'accord. n'est pas obligé de voir Citizen Kane pour voir avant d'aborder Mank. Donc voilà. D'accord. Alright. J'ai pas de transition, toujours pas pour le film Mais qui quel était suit. ton film? Quel était ton film déjà? How to plan an orgy in a small town. Ah oui, on Comment passe planifier une de. soirée échangiste dans une petite ville? Difficile de passer de Stephen Kane à une Bravo, orgie. je vois. Pas d'orgie dans Citizen Kane. Voilà ce qui manque en fait, c'est une orgie dans Citizen Kane. Quand même, dans le manque, il y en a un peu. Donc, Bah du coup, je vais voir, donc donc Out of Planet Jean, Small Town, c'est un film canadien de 2015 de Jérémy Lalonde. J'aime bien, c'était des noms typiquement canadiens. Je sais pas, et peut-être québécois, je sais pas, parce que Jérémy Lalonde, ça va être plus québécois. Bon, peut-être pas, bref. Et donc, il a fait... ouais, il a quand même... Il a fait pas mal de montage. C'est quelqu'un qui bosse comme monteur, visiblement, habituellement. Donc le film va tenir sur ses pieds au moins. Quoi? Le film va tenir sur ses jambes. Ouais, bah, il tire sur ses jambes, ouais. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il a... C'est vrai qu'en termes de structure, sur montage, ça va. Il n'y a pas de baisse de rythme, rien. Ça, c'est plutôt cool. En tant que réalisateur, il a quand même surtout fait des courts-métrages, un tout petit peu de télé. Et effectivement, voilà. En fait, avant ce film-là, il avait fait des courts-métrages. Après, il a fait de la télé. Il y a eu un film qui s'appelle The Go-Getters, que je connais pas. Mais bon, voilà. Après, c'est pas. Il a un film qui est sorti. Il a un film qui est sorti, qui est sorti, qui est sorti l'an dernier. Et pas entendu parler non plus. Enfin bon, bref. Du coup, là, sur celui-là. Comment planifier une soirée Non. échangiste? C'est une comédie. En fait, il y a un petit côté comédie britannique, un peu, parce que ça doit pas, c'est pas une comédie qui a des tonnes de thunes, ni quoi que ce soit, en fait. C'est un peu cet esprit-là, en fait, en termes de comédie. L'histoire, c'est l'histoire d'une nana, en fait, qui est journaliste, qui est une journaliste qui parle souvent de sexe dans un journal, qui revient à l'occasion et qui prépare son bouquin, en fait, et qui revient dans sa petite ville d'enfance à l'occasion des funérailles de sa mère. À savoir qu'il s'est passé un drame quand ils étaient ados, voilà, le truc, enfin, un drame. Un truc un peu genre le genre d'accident qui arrive aux ados et qui découvre leur sexualité, quoi. Et donc, Chaud. ouais, et donc en fait, chacun a des. On t'entend très mal, hein. T'as dû bouger un truc parce que c'est fou. Hein? Non, pas du tout. Là, c'est mieux, mais en fait, c'est peut-être quand tu parles un tout petit peu doucement, je sais pas. Bref. Ah là là. Du coup, ouais. Et donc en fait, partant de là, si tu veux, chaque personnage avec qui elle a grandi a un truc qu'il turlupine, quoi. Tu vois, il y en a une, c'est son ancien amour d'enfance. En fait, il s'est marié avec son ennemi d'enfance et ils essayent d'avoir un gosse qu'ils n'arrivent pas à avoir. T'as le geek qui bouge pas de la cave de sa mère. Tu as l'agent immobilier un peu beauf. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, ils ont une galerie de personnages qui ils sont assez attachants, mine de rien. Et ils sont tout choupinous. En termes de casting, on a surtout des gens qu'on a vus à la télé. Genre, typiquement, Jewel State, en fait, c'est une meuf qui est le premier rôle. Elle, enfin, j'ai vu sa tête, je me suis dit, ah, mais... J'ai déjà vu sa tête. Ouh, je pourrais pas dire, mais elle a joué dans plein de trucs. Quand tu regardes sa fiche IMDb, elle est active depuis des années et des années, quoi. Depuis les années 90. Donc effectivement, elle a de la bouteille. Après, t'as un autre mec. Qui s'appelle Ennis Esmer, lui il a aussi un petit peu fait de télé. Moi j'avais surtout vu dans une série un peu drôle, quoi. Mais voilà, après tout le reste, ou genre comme Mark O'Brien qu'on a vu dans plein ces dernières années dans certaines séries, dont Halt and Catch Fire, où il joue, je crois, à partir de la troisième saison, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, c'est que des mecs que. Tiens, il était dans Wedding Nightmare aussi. Et Marriage Story. Donc ouais, c'est un mec, tu commences à voir sa tête un peu plus. Après, sans que ça devienne des grosses stars non plus, quoi. Tu vois, c'est typiquement les acteurs de second rôle, en fait, dont tu reconnais un peu la tête, quoi, quand t'as été beaucoup de trucs, quoi. T'as Lauren Holly qui a un petit rôle. Allô? Oui, je suis là, je t'écoute, je D'accord. bois tes paroles. Oh mon Dieu, j'entendais plus rien. J'ai rien, on va se faire Un grand geek, un The Void. Il y a le Renoli qui a un petit rôle au début. Le Renoli qui a jamais cessé de tourner, hein, c'est dingue. Enfin, je l'ai vu récemment parce qu'il y a un truc sur Netflix. J'ai fait un coup d'œil à une série là sur une école de danse et tout, et je vois Lauren Holly qui a, bon, certes pris un coup de vieux, mais elle tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait. Elle a jamais. En fait, c'est fou, quoi. Donc, et Moi, je pourtant. suis épaté par ta culture série, acteur-actrice, quoi. C'est très mignon de présenter les choses comme genre, moi je dirais, je regarde n'importe quoi. Et lui, oh, je suis Non, épaté mais par moi, ta le visage, culture. je m'en souviens plus. Il y a plein de visages d'acteurs-actrices, je les vois dans un film, je fais, ah, c'est pas mal, et puis après, je m'en souviens plus, quoi. Donc, j'ai du Oui, mais mal parce à. que j'ai de l'entraînement, en fait. Hein. C'est un truc qui énervait beaucoup ma mère, c'est que depuis que je suis petite, en fait, je repars tous les acteurs de second rôle, en fait. Et du coup, chaque fois qu'on regardait un truc, c'est pour ça on s'est déjà foutu de ma gueule parce que je connais le nom de telle ou telle personne qu'on connaît pas, mais parce qu'en fait, depuis que je suis petite, je repère les noms des fois au générique, les têtes d'acteurs, et quand je regardais les trucs avec ma mère, en fait, on regardait le truc à la télé, genre un téléfilm à la con, je fais, ah, mais lui, il a joué dans un tel truc et tel truc, tu vois. Il Au est bout d'un temps moment, pour toi d'écrire un livre à ce sujet. et donc, du coup, au bout d'un moment, elle finissait par m'envoyer bouler parce qu'elle, ça lui disait rien, quoi, donc bon. Voilà, et donc Lauren Holly, voilà. Sinon, ouais, donc le film en Est-ce lui-même, qu'elle est bonne? Pardon. quoi, Lauren Holly, Bah, Oli, oh, pardon. oh là là là là là là, Il faut bien que je remplace Hamilton, bordel. putain, on est que deux, mais là tu te lâches un peu là, c'est pas, en Ah, écoute, je peux fait, remplacer faut vraiment Hamilton qu'on soit quand trois pour te contenir, quoi, c'est même. pas. Un devant, un derrière, d'accord. Eh ben, Pardon. ça tombe bien, c'est un peu le sujet du film. Parce que du coup, en fait, donc je reprends l'histoire. Ils ont chacun leur petit problème. Et du coup, tu sais pas trop comment ça vient. C'est genre, eh ben, et pour résoudre tout, il faut organiser une orgie. Voilà. Donc Pourquoi pas? ils s'essayent à deux trois reprises dans le film d'organiser l'orgie, mais tu sais, comme ils se connaissent tous depuis l'enfance et tout, tu vois, tu peux pas faire, hey, on va niquer ensemble. Donc en fait, c'est un peu truc. Alors c'est, t'as des personnages très très très attachants, hein, genre bah le personnage de l'agent immobilier un peu beauf, quoi, Marc O'Brien. Moi c'est, j'ai dans les autres, quand je l'avais vu, en fait, il joue un personnage assez discret ou avec une personnalité pas hyper expansive. Là, il est assez doux, c'est lui qui je trouve qui a le jeu le plus attractif, en fait. Il est assez marrant dans le truc. Et donc ouais, enfin, c'est, donc ils essayent un petit peu de mener ce truc à bien. Alors après, c'est une forme très classique aussi, parce qu'en fait, c'est, y a un dénouement, enfin, c'est-à-dire qu'il va y avoir des petites problématiques entre eux, machin, émotionnellement, ils vont tous se parler, ça va s'arranger, et puis ça va arriver à un happy end, enfin voilà. C'est pas fou, mais c'est une petite comédie assez sympathique à regarder quand même, quoi. Et moi, je dis, les personnages sont assez attachants, en fait. Donc, y a, avec des personnages un peu drôles. Je trouve qu'ils sont bien définis, en fait, pour le coup. Donc voilà. Il est dispo sur Prime. Voilà, si jamais il y en a qui veulent le mater. Et regardez un petit peu la BO. Alors, la bande originale sur YouTube est quand même vachement plus punchy que le film. Okay. Parce que je m'attendais à un truc un peu plus fou. Ça l'est pas. Mais ça Ah, n'empêche que le ça conseil reste. est-il quand même à ceux qui nous écoutent? Comment? Le conseil est-il quand même du coup à ceux qui nous écoutent? Ah, oh, oui. Après, faut pas s'attendre à un truc, mais oui. Après, je crois qu'ils ont eu, en fait, ils l'ont un peu présenté à certains festivals, pas des gros trucs, hein, mais enfin, l'Atlantic Film Festival ou le Canadian Film Festival. Ils ont eu au Canadian Film Festival, ils ont gagné un truc genre, je sais plus, meilleur costume, meilleur casting. Parce que c'est vrai que pour le coup, le casting fonctionne bien ensemble. Il y a pas de, je dis, à part l'agent immobilier un peu beauf peut-être, mais c'est vrai qu'ils marchent bien ensemble, tous ensemble. Le casting a été relativement bien fait et bien dirigé quand même. Donc voilà. Voilà, c'est juste un petit mot que je voulais dire là-dessus. D'accord. Du coup, toi, tu as continué sur, et donc, parce que là, tu nous as mis en suspens avec Citizen Kane. Bien vous mettre l'eau à la bouche. Ouais. On va parler de Mank, justement, de David Fincher. Yeah. Alors, beaucoup de gens s'excusent Sûrement que, à juste titre, ça façonne un peu le retour à Fincher au cinéma, vu que Gone Girl, c'est 2014, c'est-à-dire il y a 6 ans. Entre-temps, Fincher n'est évidemment pas resté inactif, parce qu'on lui doit quand même les 2 saisons de Mindhunter pour Netflix, justement. Mais le fait qu'il fasse un film pour Netflix n'est pas étonnant, vu que Fincher s'était un peu plaint de commencer à manquer de liberté en cinéma. Et je pense que, vu l'époque actuelle, pas mal de réalisateurs chevronnés ont peut-être aussi du mal pour le cinéma, quoi. Si tu fais pas un film de super-héros ou d'autres trucs, t'es peut-être plus forcément bancable. Or, le film de Fincher, en plus, c'est quelque chose d'une autre trempe, quoi. C'est une lettre ouverte aux années 30, écrite par Jack Fincher, son papa. Et c'est un film que Fincher, il voulait mettre en scène depuis une dizaine d'années déjà. Et à chaque fois, il se heurtait sur tous les producteurs, tous les gens qui disaient « Ouais, mais non, ça marchera pas, etc. C'est trop long, qui en a quelque chose à faire, etc. » Bon, on peut comprendre que Fincher, il est profondément énervé. Et vu qu'à Netflix, il a une totale liberté, voilà, les directeurs des programmes Netflix, si on fait après Mindhunter, est-ce que tu veux faire une saison 3 ou tu voudrais peut-être faire un programme spécial inédit? Et il a laissé tomber donc la saison 3 de Mindhunter, au grand regret de pas mal Alors, de fans. je t'arrête 2 secondes. Tu parlais de Jack Fincher. C'est apparemment le seul scénario qu'il a jamais écrit. Tout à fait. Donc, est-ce que ça a une incidence, est-ce que sur le scénario, ou alors est-ce qu'il nous a fait un coup de génie dès la première mouture, quoi? En fait, je pense que, et c'est peut-être visible à l'image du film, Fincher s'accapare le personnage de Mankiewicz, de Herman Mankiewicz, ou plus précisément, le vrai nom était Herman Jacob Mankiewicz, Herman G. Mankiewicz, pour en faire un hommage à son père qui est détourné. Parce que visiblement, Jack Fincher, c'est quelqu'un qui a vraiment galéré et qui a failli écrire le scénario de Aviator, de Scorsese, et le truc, visiblement, a échoué entre les mains de John Logan, etc. Bon. Donc, visiblement, c'est peut-être quelqu'un qui a eu ses déboires, qui a eu une vie difficile. Donc en gros, Jack Fincher a écrit un scénario dont il se sent proche et David Fincher l'a mis en scène pour continuer ce que voulait faire son père en fait. En gros, l'état d'esprit de ce que voulait faire son père. Je crois qu'effectivement, pour pouvoir porter à l'écran effectivement son père et aussi pour lui rendre hommage, puisque Jack Fincher est mort d'un cancer depuis déjà, il est mort en 2003. Ah, d'accord, donc c'est un vieux scénario, Voilà, c'est pour ça. Fincher, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il voulait quoi. le mettre en scène. D'accord, ok. Mais voilà, c'est un hommage donc à son père à travers la figure de Mankiewicz. Et quand tu sais ça, bah ça voilà, j'ai envie de dire tout c'est clair. Et du coup. Justement, Mankiewicz, donc, Mank, diminutif, de Herman G. Mankiewicz. Il y a deux Mankiewicz. Le plus connu, c'est le petit frère Joseph L. Ouais. Mankiewicz, réalisateur. Donc voilà. Et Mank, alias Herman, le grand frère, est beaucoup moins connu. Il faut dire aussi que il est parti beaucoup plus vite. Il est mort à peine à 55 ans, en 53. Tandis que Joe Mankiewicz, le frère qui est cinéaste, mourra à 83 ans en 93. Voilà. Et quand tu vois comment dans le film mis en scène par Fincher et le rôle est joué par Gary Oldman, d'ailleurs génial Gary Oldman, comme toujours, j'ai envie de dire c'est un euphémisme, Gary Oldman c'est Dieu. Voilà, on va pas le dire. Quand on voit donc comment il est joué par comme une personne qui est à bout, abîmée par l'alcool, la clope, etc., c'est pas étonnant. C'est pas étonnant que Herman G. Mankiewicz, Mank, n'ait pas fait long feu. Et le film de Fincher va donc montrer tout le processus de création à l'œuvre quand un jeune Orson Welles décide de travailler avec Mank et qu'ils ont un temps très limité. Au début, dès le film, ils disent on va avoir 90 jours. Et Welles corrige au téléphone, il dit Mank, il lui dit non, on aura 60 jours. On aura 60 jours et tout ça pourquoi? Parce qu'il y aura des relectures. Et Wells a peur que le studio s'oppose au film, qu'il y ait du travail de remontage, etc. Alors que Wells, c'est un inconnu, mais qui a eu à l'époque plusieurs succès au théâtre, tout ça. Il a animé une pièce radiophonique qui reprend La Guerre des Mondes, d'un autre Wells, H.G. Wells. C'est assez marrant. D'ailleurs, c'est assez marrant, j'ouvre une parenthèse, quand Wells, donc Orson Welles, reprend de H.G. Wells La Guerre des Mondes à la radio. À ce moment-là, il va terroriser des millions d'Américains qui croient vraiment qu'on Ouais, dirait que c'est la la guerre grosse des légende, Martiens. ça. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, la légende. Et Woody Allen s'en amusera dans Radio Days de Woody Allen, où il explique sa jeunesse, où la famille était scotchée au poste de radio, parce qu'il n'y avait pas la télé. Et du coup, même la famille, les gens dans la famille vont croire qu'il y a une invasion extraterrestre. Et la fille qui est célibataire dans la famille, qui est tout le temps de se caser avec quelqu'un, avec un mec, elle a chopé un mec, mais à ce moment-là, le mec, sur le mec, elle a mis le grappin, etc., elle se dit, ça va être le bon. Le mec, il entend l'invasion martienne à la radio, il part de la voiture en courant. Ah ouais, mais je crois qu'il y a un film comme ça que j'avais vu, je me souviens plus du tout du titre, mais qui parle de ce moment-là en fait et qui focalise sur les habitants à ce moment-là où quand Orson Welles lit le truc. Attends, continue, je trouverai, je vais essayer de chercher. Ah oui, ça c'est un film qui m'intéresserait parce que c'est génial quoi. Enfin, c'est un des nombreux de cas de folie ou de génie à voir, à décider, de Wells. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fincher, dans son film, il ne choisit pas de montrer trop Wells. On le voit un petit peu Wells. Mais contrairement à beaucoup de gens qui mettent Orson Welles sur un piédestal, il va pas en dire c'est un génie, etc. Tout ça. Pour lui, la création, c'est quelque chose de partagé. Il y a des scénaristes, des acteurs, tout ça, etc. Tout le monde concourt à faire un film. En parlant de manque, le scénariste du film et du processus de création de Citizen Kane, il est évident qu'il n'a pas parlé forcément que de Wells, quoi. Du coup, donc, c'est une lettre d'amour à son père, c'est une lettre d'amour au cinéma, puisque la forme de la mise en scène de Fincher, ça va être un peu rétro-classique. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est filmé comme dans les années 30-40, en noir et blanc, en noir et blanc somptueux, noir et blanc somptueux. Le titre qui défile à la verticale, comme dans un film des années 40, tout ça, ou voilà. Mais tu vois bien les petits effets de mise en scène, un petit travelling subtil, etc. Tu vois bien le truc que c'est fait avec des moyens modernes, mais que tu as essayé de coller à l'époque. Et c'est voilà, une mise en scène de Fincher, magnifique. On pourrait croire que c'est du classicisme, mais non, c'est magnifique de bout en bout, quoi. Alors, puisqu'on est à la mise en scène, pendant les petits bruits, les gens t'ont ma chère Cathy, je ne sais pas ce que c'est. Mais t'occupes des petits bruits. J'essaie d'imiter des petits bruits de souris. Puisqu'on est dans la mise en scène de Manque, un petit mot sur la musique aussi, la bande originale qui est signée donc par le duo Reznor et Ross, Trent Reznor et Atticus Ross, qui sont tous deux de Nine Inch Nails. À la base, Nine Inch Nails, c'est juste Trent Reznor, mais Atticus Ross est devenu un membre à part depuis 2016. Et les deux travaillent avec Fincher, mais aussi le monde du cinéma, depuis un moment. En une collaboration assez serrée. The Girl with the Dragon Tattoo, l'adaptation de Millennium par Fincher, la musique et les deux. Social Network, la musique, c'est à nouveau notre duo, Reznor et Ross. Et c'est à nouveau, la musique est fabuleuse. Là, pour un film qui déroule dans les années 30 et 40, qui est ponctué de flashbacks qui vont à la fois dans les années 30 et qui reviennent au présent dans les années 40 quand on lit le script, on a toute une musique qui est parfois adoptée à la forme d'un big bang de jazz, ou parfois une musique un peu plus ambiante. Et ça colle parfaitement au film. Et c'est assez marrant parce que notre duo, à nouveau, a travaillé sur Soul, tout dans les films de Pixar. Et Soul, ça parle de quoi? De musique, de jazz, tout ça. Donc, ils étaient un peu dans leur élément, quoi, alors qu'ils font de la musique plus électronique, quoi. Voilà, la musique électronique, un peu industrielle avec Nine Inch Nails, même si Nine Inch Nails a évolué d'une musique industrielle bien hardcore, quelque chose de beaucoup plus électronique, un peu épurée, ambiante. Donc, voilà, maintenant, on va parler un peu du casting. Et alors là, Fincher a réuni la crème de la crème, le casting est monstrueux. Alors bon, nous avons Gary Oldman qui joue Manque. Gary Oldman parfait. On a Amanda Seyfried, donc qui joue Marion Davis. Marion Davis qui est alors, je sais plus exactement, la fille de William Randolph Hearst. Ouais. Nous avons Lily Collins, qu'il n'est plus nécessaire de présenter, qui joue Rita Alexander. Rita Alexander, en fait, c'est la secrétaire qui est chargée Tout ça pour dire que tout ça pour éviter de dire que c'est elle qui joue dans Emily in Paris, hein. Le pire, c'est que la série est déjà sortie de ma tête. Bravo, hein, bravo. Non, tu vois, Non, mais je c'est reste comme une pressant. punition qu'il faut remettre sur le banc, quoi. Non, mais je reste pressant en disant que Lily Collins il fait une très jolie Blanche-Neige, voilà, et qu'elle a un air d'Audrey Hepburn qui m'a toujours plu, et puis c'est la fille de Phil Collins, donc Ah voilà. oui, elle était Blanche-Neige dans le film de Tarzan Singh. Tout à fait, elle était, c'était un très, très sympathique Blanche-Neige, j'ai envie de dire. Très, Ouais. très chouette. Oui, après, moi j'aime bien Tarzan Singh parce que visuellement c'est toujours très beau, quoi. Ah Euh, bah je, oui. je sais pas s'il a les scénarios qu'il mérite à chaque fois, mais The Fall est magnifique, hein, par contre. Mais d'une manière générale, je pense qu'il lui faut. Je pense que King arrive à se réapproprier les films pour les faire sien, son esthétique, tout ça, et ce qui est la marque des grands cinéastes, quoi. Donc voilà. Nous avons aussi Tippence Middleton. Donc toi qui connais un peu tous les acteurs et actrices, Tippence Middleton. Donc, c'est. J'en sais rien, c'est un petit Tippence Middleton. Oui. Je sais pas, attends, je vais te dire. Ah, Tippence Middleton. Tout à fait. Eh ben, pourquoi elle me dit rien? Voilà. Parfait. Bah, Vas-y. elle joue dans pas mal de séries, donc je pensais. Bon. Ah ouais, bof, non, je vois pas dans une tête phénoménalement qui me dit quelque chose, non. Bon, ces dernières années, elle a joué justement Downton Abbey, donc on en Oh, parlait. en plus, je l'ai vu dans le tournabé, mais j'aime pas voir qu'elle aurait pu jouer, elle. Donc elle a joué dans Mank, elle a joué dans Possessor. Possessor, si je me trompe pas, c'est le film du fils. Mais oui, le film du fils de Cronenberg, Brandon Cronenberg. Tiens, mince. Oui, d'ailleurs, qui était le possesseur, qui était au dernier étrange festival, Et oui, qui j'aurais dû mettre d'avoir loupé, bordel de cru. ouais, mais non, je veux pas en parler tout de suite. Vas-y, continue. Bon. En fait, elle a fait plein de second rôles, donc c'est pour ça qu'on s'en souvient pas. Elle joue dans Imitation Game, donc évidemment, aux côtés de Non, Jodie mais Foster il y a Pratt. aussi, je suis désolée, mais elle est très jolie, mais elle a pas une tête extraordinaire non plus, hein, donc c'est pas genre voilà, c'est joli, mais c'est pas charismatique. Pour moi, je trouve pas. Après, peut-être que si je la vois dans un film, ouais, mais Ouais. voilà, elle a pas un visage qu'on va se souvenir facilement. Bah, pour rebondir un peu sur ce que tu me dis, elle a un gros rôle, mais qui est quand même d'importance, elle joue Sarah Mankiewicz, l'épouse de Mank. Et l'épouse de Mank qui doit un peu supporter que son cher mari soit une épave droguée à alcool, tout ça, etc. Tout ça. Et très souvent, il y a des trucs, comment je te supporte, comment j'arrive à te supporter, etc. Alors qu'on voit qu'en fait, ils s'aiment encore, quoi. C'est un couple qui se soutient, etc. Elle a un gros rôle, donc pas facile, mais je trouve que ça sort bien bien le film. Et nous avons notre bon vieux Charles Dance. Hey! Et pour l'anecdote, Charles Dance. Eh ben, c'est la deuxième fois qu'il retrouve David Fincher, parce que il avait été ce bon vieux Clemens dans Alien 3. Oui, c'est Et vrai. ouais, Alien 3, on me dira, ça date, c'était 92, 93, donc ça fait, effectivement, ça fait très longtemps qu'il retrouve le Fincher, quoi. Bah, c'est-à-dire que Donc. grâce à Game of Thrones, il a une cote qui a remonté de ouf, hein, Charles Super. Dance. Charles Alors, Dance, pour quand moi, on. c'est un souvenir effroyable de quand j'étais petite, que je l'avais vu dans un téléfilm, enfin, quand je l'aurais, il est tellement what the fuck le téléfilm que quand je l'aurais retrouvé, faudra que j'en parle. Mais c'est un de mes gros souvenirs de gamine, quoi. Ouais, alors qu'en fait, c'est quand même quelqu'un qui a une carrière monstrueuse, quoi. Ouais. Golden Child, le film avec Eddie Murphy ou L'Enfant sacré du bébé, il joue le méchant. Il est taillé pour le rôle. Et dans Alien 3, il joue quelqu'un de un peu plus sympathique qui va malheureusement pas forcément échapper à l'alien. Mais c'est justement une des rares personnes qui se révèle pleine de bonté envers Ripley. C'est en fait dans Alien 3 la seule personne qui croit Ripley. Et voilà, et pas de peau. Dans Last Action Hero, il joue le tueur Bénédicte dans Last Action Hero, il joue le méchant, c'est fabuleux. Donc effectivement, à Game of Thrones, il a rebondi, mais c'est quand même quelqu'un que les cinéphiles n'oublient pas, parce que bah, c'est une gueule, comme on est dans le métier, c'est une gueule. Et là, justement, dans Mank, il a un rôle taillé sur mesure. Il joue William Randolph Hearst, alias le mec qui va être décrit sous l'alias un peu inspiré de Charles Foster Kane. Mais voilà, c'est pas étonnant que Hearst ait très mal pris à l'époque, Orson Welles, etc. Parce que là, du coup, Charles Dance joue le grand magnat de la presse qui contrôle tout. Et le film Mank montre clairement, n'est pas avare d'allusions pour épingler les années 30, et montrer que, enfin, c'est très révélateur, quoi. Les gens qui détiennent les médias, les journaux, les cinémas, etc., ben, ça existait déjà les années 30, 40. C'est triste à dire. Donc, voilà. Et Orson Welles, peut-être, Orson Welles avec Mank, quand ils ont fait Citizen Kane, ils ont voulu les peut-être épingler. En tout cas, le film est assez ambigu, Mank, parce qu'on voit l'ascension, un peu quand il a encore les bonnes grâces des studios où il travaille, Mank, dans les années 30, il y a plein de flashbacks, et sa chute. Sa chute, justement, au moment où il écrit Citizen Kane et la fin du film. Donc, du coup, justement, le film, justement, qu'est-ce que ça raconte? Alors, beaucoup de gens ont été désappointés par le film en lui-même, parce que c'est d'ailleurs assez étonnant. On n'aurait pas forcément vu David Fincher faire ce film. Mais comme ça vient de son papa, on comprend qu'il voulait à tout prix faire le film, etc. C'est une lettre d'amour, un hommage à son père, etc., qui était scénariste. Bon. Mais voilà, quand on connaît David Fincher, c'est quoi? C'est Seven, c'est Fight Club, c'est Zodiac, c'est Gone Girl, soit en grande majorité des thrillers monstrueux, assez classes qui ont bouleversé le monde du cinéma très souvent. Bon, il aurait pu bouleverser un peu le monde du cinéma de la science-fiction avec Alien 3, mais il a renié Alien 3 parce que la Fox, etc., l'a bien charcuté, l'a bien fait chier, bien sûr, là-dessus. Il s'est vengé avec Seven juste après. Et du coup, en fait, Mank, ça n'a rien à voir avec un thriller. Il faut le savoir. Mank, pour moi, c'est plus proche de la Dolce Vita de Fellini. D'accord. Donc, soit un film qui montre toute une époque avec les déambulations, non pas de notre cher Mastroianni, mais les déambulations de notre cher Gary Oldman, à travers une époque et une autre, vu que le film fait des flashbacks constants entre les années 30 et les années 40, au moment où il écrit le scénario. Et en fait, tout ce qu'il a vécu dans les années 30, tout ce qu'il a vécu dans les années 30, vont nourrir ce qui va devenir le scénario, et donc le film Citizen Kane. Et c'est très intéressant, quand on a vu Citizen Kane, justement, je rebondis justement là-dessus, il y a un moment où un des personnages qui a bien connu Kane, puisqu'il était un de ses bras droits, raconte une anecdote au journaliste Thompson, qui enquête sur Citizen Kane, enfin sur Charles Foster Kane, et le mec donc, qui était un des bras droits de Kane raconte une anecdote. Il dit oui, il y avait cette fille avec une ombrelle blanche sur le bateau, etc. Tout ça, je l'ai vue juste un instant, mais j'étais amoureux, j'ai pensé à elle pendant toute ma vie. Et ça, en fait, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Kane, c'est juste une anecdote que le gars explique, etc., au journaliste, pour rebondir un peu sur relation avec Kane, en disant que Kane, c'était un personnage ambigu, on l'a jamais vraiment côtoyé, même si on était à ses côtés, etc. Voilà, bon. Et justement, et dans Mank, il y a Mank qui se rappelle d'un moment où il a été sur un ferry, et il a vu une jeune fille avec une ombrelle blanche. Quand tu as vu Citizen Kane et que tu vois Mank juste après, tu comprends que l'anecdote, elle va se retrouver dans les paroles d'un personnage, etc. Et tu comprends pourquoi un peu, alors que et ça pourrait être gratuit, mais en fait non, parce que c'est tout ce qui pourrait nourrir un scénario qui vont faire le ciment du film Mank. Alors évidemment, on voit que Fincher a quand même, Fincher, père et fils ont quand même beaucoup travaillé sur l'époque, vu qu'on voit on voit non seulement William Randolph Hearst, on voit David O. Selznick, donc le patron de la Paramount, on voit le patron de la MGM, Louis B. Mayer, et Fincher est assez critique envers eux parce que ils démontrent bien que ce sont des gens qui se méfient du communisme, etc. Mais l'histoire a prouvé, en fait, c'est des gens qui, déjà à l'époque, communistes, on s'en méfiait. Mais du coup, Meyer offrira des sous à un certain parti national-socialiste en Europe, sans se douter que, voilà, 10 ans après, bah, il y aura la guerre. Oh, C'est c'est con. malin. C'est con, c'est ballot. Et, voilà, mais l'histoire a passé ça. L'historien, bon, font du boulot pour réhabiliter ça. Fincher le montre très bien. Et il y a beaucoup de trucs en fait qui pourraient choquer les gens actuellement. Par exemple, on voit tout un groupe de scénaristes, tout un groupe de plusieurs scénaristes où travaille Mank quand ils sont à la Paramount, et une nana qui tape à la machine qui est seins nus. Et tu te dis, waouh, c'est pas comme ça les années 30, etc. Si, quand tu t'es documenté sur les années folles, la période entre les années 20 et 40, ce qui s'est passé à la fois aussi bien en Europe qu'en Amérique, si, mon gars, faut pas t'étonner qu'il y ait des choses qui ont dérivé, quoi. Et c'est le témoignage le plus intéressant sur les années folles, à la fois en Allemagne mais en Amérique, par quelqu'un qui les a vécues, il faut relire les écrits de Billy Wilder. Billy Wilder, à la base, c'est un immigré en Allemagne qui va faire sa carrière aux États-Unis, il va fuir l'Allemagne, il va travailler en Amérique, et son mentor, ça va être Lou Beach. Et quand ils sont dans les studios, Wilder, mais aussi Lou Beach, je peux te dire qu'ils s'en passent de belles, quoi. Voilà, il n'y a pas encore eu. Certes, il y a eu la crise de 29 qui est passée, et le film fait pas mal, parle pas mal de la crise de 29. À un moment, il y a un discours de Louis B. Mayer à ses employés, il faut savoir que c'est le patron de la MGM, et il leur dit, en gros, il leur dit, je suis désolé, mais on va devoir baisser les salaires de moitié, etc. On est une famille, on va rester soudés. Alors, il y a quelqu'un dans le public qui se lève, qui dit, oui, mais pendant combien de temps? Et Louis B. Mayer dit, au moins 8 mois minimum, etc., en attendant que la crise soit passée, etc. On est en 1930. Et voilà, et il y a Mank et un de ses amis qui ont assisté au truc. Et Mank, juste un dialogue du genre, enfin, il n'est pas dupe, il n'est pas dupe qu'en fait, c'est uniquement une question de gros sous aussi, il y a la crise peut-être, mais comme ça fait faire des économies à la MGM, et il trouve juste les discours un peu moins pathétiques que d'autres, quoi, et il n'en est pas dupe, quoi. Mais à cette époque-là, dans les nombreux flashbacks du film, Mank a encore les bonnes grâces des patrons, tout ça. Après Citizen Kane, par contre, ça va être la déchéance, il n'y aura plus de bonnes grâces. J'en dis pas plus, j'en dis pas plus, je vais pas trop mettre trop spoil le film. Le film joue sur les temporalités. Il y a pas mal de flashbacks dans les années 30. On repasse aux années 40, on écrit le scénario, etc. Pas mal de trucs. On voit donc quelqu'un qui avait un pied dans le système, qui était un trublion, un électron libre, Et comment il va être après, justement, pas un anti, mais quelqu'un qui est hors du système, qui est déchu. Parce que après Citizen Kane, justement, Mankiewicz, il va encore participer à quelques scénarios, mais déjà, à l'époque, peu de temps avant Citizen Kane, il a participé à plein de films, mais il n'est pas crédité. Par exemple, Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, il y a pas mal de réalisateurs qui ont travaillé dessus, il y a Fleming, il y a aussi George Cukor, tout ça, et King Vidor. Et Mank, il est pas crédité. Il travaille sur le film, c'est vrai, il y a quand même plein de films avant Kane, donc il est pas crédité, tout ça. On sent qu'il commence à être plus trop dans les bonnes grâces dans les années 38, 39, etc. Et après Stephen Kane, il va encore travailler sur une dizaine de films, mais à nouveau, il sera pas crédité sur pas mal de films. Donc c'est quelqu'un qui, vivement, a une vie très difficile. Et je pense que son alcoolisme, le fait qu'il, c'est quelqu'un qui est aussi très franc, voilà, ça n'a pas aidé du tout. Et voilà, et Fincher brosse un portrait du personnage, mais Fincher au moins montre que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être très humain avec les gens, et Mank à un moment va apporter son soutien à des personnes qui vont être un peu des communistes et vont être un peu écartées du système, et ça s'est effectivement passé comme ça en réalité. Et il montre aussi que voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas seulement de sa poche, qui est extrêmement intelligent et qu'on a payé le prix fort. D'accord. Voilà, toute liberté se paye un peu, même Orson Welles va payer le prix fort de Citizen Kane et de la story en personne. Ok, et donc sur la réalisation du film, en fait, tu vois des trucs qu'on pêchait ou pas? J'en ai parlé un peu de la réalisation en disant que c'était Oui, mais. rétro, mais en même temps. Mais tu vois de. Il n'y a pas de gros défauts sinon. Non, non, il n'y a pas de gros défauts. Parce que, en fait, si tu veux, moi, j'ai vu, enfin, sur Twitter, j'ai vu un peu qu'il y a un débat qui s'est initié, maintenant, parce que les gens commencent à dire, comme il y a beaucoup de réas qui viennent à Netflix, t'as des mecs qui commencent à balancer, oui, les réas qui viennent sur Netflix, c'est pour balancer, c'est pour faire leur plus mauvais film et tout. Et j'ai pas l'impression, en fait, parce qu'il y a vraiment des trucs très intéressants, enfin, l'an dernier ou l'année d'avant, Roma avait été vraiment magnifique, enfin, Le Manque a pas trop l'air mal, enfin, t'as énormément de trucs qui se valent, puis Scorsese, tous les mecs avaient regardé, alors, outre les effets spéciaux qui sont horribles, tout le monde avait dit ah oh, c'est une leçon de cinéma et tout, donc je veux dire, enfin tout le monde n'est pas Olivier Marchal quoi, je veux dire. C'est dur. Mais je pense qu'en fait, on a tendance à oublier que Netflix produit du contenu en priorité. Netflix achète pas mal de trucs aussi. Il y a pas mal de trucs qui vont sur Netflix parce qu'il n'y a plus de place ou qu'ils achètent le produit, etc. Donc il peut y avoir aussi bien de très bonnes choses que des choses mauvaises, Ouais, quoi. j'ai l'impression que les gens, ils focalisent sur les trucs moches, en fait, sur Netflix, alors que c'est comme n'importe où, quoi. C'est comme si C'est on ça. disait, c'est comme si demain TF1 faisait ou Canal+ produisait des trucs et on disait, ah, oh, tous les réels qui s'allient à Canal+, ils vont faire de la merde, ce serait absurde, en fait. Non, mais il faut faire la part des choses. Il y a des exclusivités à Netflix. Dans ces exclusivités, on peut trouver du bon et du moins bon. Il faut pas exagérer, quoi. Après, pour l'instant, des fois, j'ai été un peu déçu par Netflix. Et puis, il y a pas mal de fois, j'ai été assez content, quoi. Je pense que globalement, le Ah, niveau mais est c'est quand comme même. tout, il y a tout, quoi. Ouais, globalement, le niveau est assez bon. Netflix, d'ailleurs, dès son arrivée, a quand même mis un grand coup de poing à la fourmilière, quoi. Donc, Ouais. après. Il semblerait que pas mal de réalisateurs approuvent la liberté qu'ils ont sur Netflix, mais Bong Joon-ho avait été un peu plus ambigu en disant qu'il était content de faire un film pour Netflix, il avait eu la liberté de ça, mais qu'en même temps, il était libre, mais on regardait un peu derrière son épaule, quoi. Et donc voilà, c'est pour Ouais, mais ça que ça, j'ai je pense que c'est le préféré. système à l'américaine, parce que C'est ça. c'était Louis Leterrier sur une avant-première, quand il avait parlé quand il était venu présenter Hulk, il l'avait raconté que chaque fois que tu dessines un truc, en fait, t'as 3-4 mecs de 3 maisons de prod différentes qui viennent te donner leur avis sur la couleur des chaussures, sur tel truc, sur tel truc. C'est la mode de bosser à l'américaine, quoi. C'est ça. Et Fincher, c'est quelqu'un de très extrêmement perfectionniste. Il y avait Amanda Seyfried lors d'une interview qui disait ah, il nous a fait tourner parfois les prises au moins 30 ou 40 fois avant que la prise soit bonne. Eh ben oui, il les a fait tourner comme à l'ancienne, comme justement parfois autant de la pellicule quand parfois les acteurs, il fallait les faire tourner parce qu'on prenait la meilleure prise. C'est un perfectionniste, mais qui veut tout dire dans le cadre de Mank, même si on peut se permettre de tourner en numérique, tout ça, etc. Ça veut tout dire, je pense, de cette volonté de vraiment vouloir coller à l'époque, vraiment essayer de vouloir la faire vivre aux spectateurs, quoi. Alors Ok. après, voilà, pour revenir un peu sur Mank, et peut-être pour terminer un peu, je peux comprendre qu'il y a pas mal de spectateurs qui ont été désarçonnés par le film, parce que Le film parle pas mal de politique, il y a un constat politique, il parle des médias, pas mal de choses des années 30, etc. Moi, j'ai vu Citizen Kane, ça m'a un petit peu aidé, et je me suis un peu renseigné de côté, parce que voilà, il faut quand même connaître qui est le patron de la MGM, Louis de Meyer, il faut quand même connaître tout ce qui monde un petit peu. Et d'un autre côté, on s'attend en plus à voir Fincher faire soit un thriller, soit un truc stylisé qui apprend un nouveau trip. Alors qu'en fait, non, là, c'est plus proche, effectivement, comme je disais, la Dolce Vita, un film existentialiste, peut-être, qui raconte les péripéties d'un homme dans le système. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je dirais pas que c'est son meilleur. Beaucoup de gens disent « Oh, c'est fabuleux ça !» Non, c'est un bon film, c'est un très bon film. Après, pour moi, Fincher, ça restera Zodiac, Seven, tout ça, etc. On voit que Mank, il s'y fait plaisir. Il s'y fait plaisir et ça fait quand même aussi plaisir en tant que film. Moi, ça me fait plaisir. D'accord. Mais OK. voilà, je trouve une fois de plus, comme tu l'as souligné, les gens, ils manquent de recul. Ils manquent de recul et c'est dommage. Il faut que les gens aient un peu plus de recul, à la fois sur Netflix, à la fois sur le film de Fincher, à la fois sur Bumble, et pour rebondir aussi sur le film dont tu vas nous présenter, peut-être sur que les films, peut-être qu'ils ont peut-être pas assez de recul sur le film dont tu vas nous parler, qui est, attention. Wonder Woman 84. T'as vu la transition? Ouais. ouais, parce que en fait, pourquoi recul sur celui-là? Parce qu'en fait, si tu veux, déjà d'une manière générale sur les productions d'ici, il y a un regard critique qu'il y a moins sur les films Marvel. C'est-à-dire que, ok, maintenant les gens ont intégré que Marvel c'était du film de consommation burger, voilà et tout, mais ça n'empêche que les gens, je trouve, sont vachement, sont toujours plus complaisants avec les Marvel qu'avec les DC. Alors, je vais te couper, ma chère Ouais. Cathy. Alors, oui et non. En fait, Ah bah si, si, si, moi je donne mon avis, je te dis que si. Voilà, Attends, laisse-moi après t'en as un autre, mais c'est pas oui et non. Attends, juste pour te dire que, Vas-y. voilà, comme tu dis, oui, les Marvel sont burgers, etc. Mais je pense que déjà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté du côté du public américain, peut-être, que du public européen. Parce que le public européen est souvent très très critique. Et cette tradition avec les comics DC, etc. et Marvel, quand on passe au film. Les gens vont beaucoup plus râler, mais Oui, mais là en je t'en Amérique, parle, il y a les je dessins suis pas animés, là-dessus il y a en fait. les trucs. Ouais, mais voilà, c'est peut-être deux mentalités différentes. Bon, vas-y, continue. Je suis pas là-dessus. Là, c'est d'un point de vue, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a des films qui arrivent, maintenant c'est devenu une habitude avec depuis qu'il y a Internet, hein, depuis 20 ans, que la réputation du film est précédée de la, enfin précède la sortie et de plus Le en Français plus. aime râler pour rien. Bah c'est même pas ça, c'est que j'ai l'impression que après je me demande aussi si c'est pas une manière commercialement d'utiliser le public, de faire balancer les plus mauvaises rumeurs, voilà quoi. Tout Bien comme enfin moi j'ai la théorie si tu veux quand Joker avait été pressé avait été sorti, alors j'ai adoré Joker, mais je veux dire qu'on fasse parler De Niro, enfin qu'on fasse parler Scorsese sur les films Marvel à la veille de la sortie de Joker, pour moi c'est pas un hasard, c'est-à-dire que Scorsese il avait commencé à travailler sur Joker et il a De Niro qui joue dedans et que c'est une production d'ici sur un personnage d'ici, enfin il y a un moment ça a C'est fait tout tourné un comme un tas. Scorsese d'ailleurs. C'est ça Comment? qui est drôle. C'est Quoi? tourné ainsi comme un Scorsese, quoi. Oui, mais parce que déjà il avait commencé à travailler dessus et qu'en plus bah il est fan du truc et ça va totalement bien à l'univers du film, hein. Moi je trouve que c'est d'à propos, mais du coup je trouve que c'est voilà, on fait tout un tas de tout ce qui se peut dire sur les films, et du coup on oublie que soit les distributeurs, soit la com peut utiliser le spectateur et surtout on oublie tout discernement, mais réellement c'est-à-dire que là sur Wonder Woman, on a sur Twitter là ces derniers temps avait été balancé quelques scènes en mode ah, regardez c'est trop naze, le film est trop naze, c'est super mal filmé et tout. Ça n'apporte aucune nuance à ce qu'est le produit au final en fait de faire ça. Et du coup, on a des films qui ont une réputation avant même que le réel public l'a vu. Et ça a été le cas sur, notamment, je me rappelle, sur Lone Ranger ou John of Mars, en fait. Où maintenant, t'as des gens qui commencent à regarder John of Mars en disant, mais c'était pas si mal, en fait. Alors qu'à l'époque, ça avait coulé le truc. Alors, sans dire que c'est parfait, hein, non, les films ont leurs défauts, c'est clair. Mais c'est certainement pas les boosts que ça avait été à la sortie, quoi. Et j'ai l'impression que, voilà, Wonder Woman 84, c'est un peu ce truc-là. C'est-à-dire que, Il y a clairement une bonne partie qui est super mal filmée, mais tout n'est pas acheté loin de là, quoi. Donc, il y a quand même quelques aspects positifs. Après, je pense aussi que chez DC, à force de vouloir coller à Marvel, et c'est là qu'on en arrive, c'est qu'à force de vouloir coller à Marvel à cause justement de tout ce qu'on peut dire sur leur film ou quoi que ce soit et tout machin, du coup, on a des œuvres en fait qui n'ont pas de personnalité, mais tu sens qu'ils s'en cherchent une, et où tu t'as l'impression que ça tâtonne, quoi. Donc, sur Wonder Woman, rapidement, en gros, l'histoire, elle est en 84. Il y a un homme d'affaires qui est une espèce de personnalité de la télé, machin. Il découvre aussi une. Parce que j'essaie de lire plutôt le résumé parce que je t'avoue que c'est difficile à résumer comme ça en fait. Parce que en fait c'est vraiment du film à plusieurs Gloubi-boulga. personnes. Hein? Gloubi-boulga, non? Non, mais c'est pas aussi. Ouais, enfin si, mais dans le sens où. Je veux dire pourquoi après, c'est-à-dire qu'en fait ils ont focalisé clairement le personnage de Wonder Woman et de son gars parce qu'il revient. C'est des rôles creux en fait. Il revient parce qu'en fait dans l'histoire justement c'est ça, c'est qu'il découvre il y a une pierre qui a été découverte et en fait il se rend compte que cette pierre exauce les vœux, quoi. Et l'homme d'affaires s'approprie la pierre en manipulant un autre personnage qui est joué par Kristen Wiig. Voilà. L'homme d'affaires, c'est Pedro Pascal qui le joue. Et Ah. donc, Pedro Pascal et Kristen Wiig vont être un peu les plus ou moins méchants, quoi. Mais on est sur des méchants humains, c'est-à-dire des méchants, en fait, qui sont le résultat de toute leur frustration, en gros. Ok, d'accord. C'est pas maniqué, hein. Ouais. Et en fait, non, pour le coup, en fait, je trouve que les personnages de méchants sont vraiment bien. Autant j'ai un gros problème sur le premier. D'ailleurs, le premier, c'est la même réalisatrice, c'est Patty Jenkins, qui avait réalisé Monster, qui est juste un film trop bien aussi. Comme quoi, j'ai un avis, tu vois, qui vaut le coup, juste trop bien. Hein? Quoi? Objectif. Voilà, c'est ça. Donc ouais, donc on a un bon duo de méchants en fait par leur interprétation, mais aussi par la progression de leur personnage. Kristen Wiig, elle est vraiment chouette quoi. C'est-à-dire que on sent qu'elle est dedans. C'est-à-dire qu'on c'est vraiment la nana qui a une espèce d'image de personnage un peu drôle comme ça. Et une personne, j'ai l'impression que c'est l'actrice où personne ne croit vraiment quand elle essaye de faire des trucs sérieux. Genre, elle avait joué dans Mother, je crois. Attends, c'était de qui ça déjà Moser? C'était ah putain, c'était Aronofsky, je crois. Ouais. Et je crois qu'elle avait un petit rôle dedans, il me semble. Et tu la vois dedans, t'as l'impression que c'est un peu décalé parce que finalement on a tellement l'habitude de la voir dans des trucs un peu comiques quoi. Alors qu'en fait, bah là, tu vois, dans Wonder Woman, elle joue une nana un peu frustrée machin. Et puis plus elle monte en fait dans le côté, je suis un peu vénère et j'ai envie de tout casser, plus ça le fait en fait. Ah oui, mais elle est sous-exploitée, la pauvre Kristen. Comment? Elle est sous-exploitée, Kristen. Oui. Et puis il y a aussi dans son personnage, c'est-à-dire que c'est quand même une actrice qui est très jolie. Et ben ça exploite ça vachement en fait pour ce personnage-là en fait dans le rôle. Chris Pine, donc je dis ça sert à rien. Hein. C'est juste le coup de cœur pour dire. En fait, il sert juste à donner une petite dramaturgie au personnage de Wonder Woman, mais c'est assez, Ouais, mais c'est faible. c'est intéressant parce qu'on a souvent reproché à plein d'actrices féminines de jouer un rôle creux pour le personnage masculin dans plein de films des années 80, etc. Et là, ça retourne le truc pour faire le personnage Ah masculin oui, mais plus efficace généralement, que t'as des le personnes, ouais, mais tu vois, généralement, les nanas, on sert, faut les sauver, machin et tout. Là, faut pas le sauver, il arrive à se battre, c'est juste qu'on le met là, et puis après, hop, on le renlève. Donc, héroïne. il se bat un petit peu, et après, on le renlève. Il sert de compagnon à Wonder Woman pendant quelques temps. Bah, bon. Donc comme je disais, il y a les deux tiers en fait qui sont pas très bien filmés. C'est-à-dire qu'on sent, en fait, moi, enfin, à chaque fois que je regarde les trucs, c'est que le film, j'ai l'impression qu'elle bouge bizarrement Wonder Woman. Même quand elle court, elle est censée être super rapide, mais on dirait qu'elle glisse et c'est trop bizarre en fait à regarder. Je pense qu'ils savent pas gérer les mouvements du personnage. Ils savent pas les filmer. La même chose pour le premier ou pas? C'est-à-dire C'était à peu près la même topo dans le premier. Hein. Il n'y C'était a pas ouais. souvenir de ça, quoi. Ah, j'ai toujours eu du mal, moi, dans ces mouvements. Je trouve qu'ils sont lourds, ces mouvements, alors qu'elle est censée être. Alors, curieusement, toute première scène est un flashback de l'enfance de Diana. Et la gamine, elle est filmée pendant une espèce d'épreuve sportive. Et là, tu vois, c'est pas trop, trop mal filmé. Mais par contre, là, franchement, quand elle est en La Wonder seconde Woman. équipe qui a tourné ce passage. Quand elle est en Wonder Woman, ouais. Non, il y a toujours. C'est comme s'ils avaient du mal en fait à filmer le côté action de Wonder Woman. Donc ouais, et on a un dernier quart qui devient intéressant. Un dernier, allez, entre le tiers et le quart, voilà, qui progressivement devient super intéressant et qui est pas mal filmé. Et parce qu'en fait, c'est vraiment, on est axé sur les méchants en fait, sur les deux méchants, sur Kristen Wiig et Pedro Pascal et leur progression de personnage. Et là c'est bien, les musiques au bon endroit, les trucs, le petit truc tire l'arme à la fin parce que t'es dans la progression du truc. Voilà, Tu dirais que le film il déçoit un peu avec la mise en scène. je pense qu'en fait, enfin, je pense que tout ce qui est construction de l'histoire, ils ont du mal en fait. J'ai l'impression qu'en fait, Patty Jenkins a du mal à gérer ce qui est amener le personnage à un point final en fait. C'est-à-dire que le point Mmh. final, elle sait le faire, mais toute la progression du truc, j'ai l'impression qu'elle a du mal. Et il y a aussi un autre problème, c'est Gal Gadot. Je suis désolée, mais Gal Gadot, elle a pas de charisme. Non, mais elle est très jolie, elle donne très bien sur les affiches, mais elle a pas le charisme pour. C'est là qu'on voit qu'elle a été mannequin. Hein, enfin, et pourtant, je veux dire, dans le rôle, avoir du charisme en ayant été mannequin, c'est faisable. Hein, je veux dire, Charlize Theron, elle a été mannequin. Hein, donc, et tout comme on avait vu un film à l'étrange festival, qui est le film turc là sur, enfin je sais plus le nom. Pareil, l'actrice, tu la vois, elle est belle, elle est charismatique, elle a été mannequin. Je veux dire, c'est tu peux Diane Kruger qui a été mannequin, voilà. Gal Gadot, c'est une plante verte. Son jeu, j'ai vraiment du mal quoi. Elle joue pas avec les tripes. Hein. Alors je veux bien que son personnage, peut-être il lui faut une espèce de grandeur royale ou je sais pas quoi, moi j'en sais rien, mais oh là là, ça sonne faux tout ça. Et du coup, bah même si elle est un peu émotionnelle, bah tu sens pas le truc quoi, tu vois. Donc non non, elle participe vraiment à ce que le personnage soit creux. Parce que quand t'as un, enfin sur un perso elle son personnage en fait, il se contente de vivre des trucs. C'est-à-dire qu'émotionnellement, même elle a une mini progression émotionnelle et encore minime, mais avec un perso avec une actrice comme ça qui prend des choses telles quelles, on dirait qu'elle est pas dedans quoi, tu vois. C'est pas l'acteur studio du tout, hein, Gal On dirait que tu es en train d'énoncer toutes les critiques négatives du film, etc. Je suis sûr que tu en plus de dois être dans le vrai, quoi. Gadot. Donc ouais, et le truc c'est que voilà, enfin c'est moi ça me c'est alors bon, Chris Pine, bon il est là, il fait un peu la plante verte aussi, mais bon il Quand fait même. ouais, mais ça va, il le fait bien. Mais Gal Gadot, non, je peux pas. Il y a un vrai gros problème là-dessus. Et donc en fait, comme les deux personnages, il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur les deux. Bah effectivement, le truc c'est de focaliser sur les méchants et c'est bien fait. Et c'est vraiment bien d'avoir pris Pedro Pascal et Kristen Wiig. Pedro Pascal, il sent bien investi dans le truc. Hein, je veux dire, puis émotionnellement ça va, il arrive à rendre toute la palette d'émotions de son personnage. Elle est vraiment bien dedans. Je suis pas, enfin, j'étais un peu, j'avais pas spécialement d'avis sur Pedro Pascal. Alors sur Mandalorian, parce que c'est lui qui joue dans Mandalorian, du coup, on le voit une ou deux fois enlever son casque. Ouais, tu sens qu'il a une palette d'émotions, mais tu le vois pas, c'est pas encore de ça. Alors que là, il se lâche pas mal dans Wonder Woman quand même. Comme on est sur des méchants qui sont humains, bah c'est, alors je vais spoiler à mort, mais c'est des méchants humains Tu qui sont spoil. qu'on arrête, mais qu'il faut arrêter, mais pas forcément punir. Ah, donc pour la porte ouverte pour une suite. Ah non, pas du tout, pas spécialement. Non, non, c'est juste que voilà, c'est en mode, Voilà, ça coûte, enfin, c'est vraiment une notion, alors que, tu vois, c'est marrant, le film se situe en 84, et au départ, l'époque est bien rendue, hein, mais dans ces époques-là, en fait, bah, t'arrêter un méchant, c'était pour l'arrêter et le punir et le mettre, quelles que soient ses motivations, tu vois. Alors que là, c'est vraiment dû à notre époque, ben on considère qu'un méchant il peut avoir des frustrations, blabla, et voilà, du coup, ben il leur arrive rien, on a arrêté le truc, et puis voilà. C'est triste. Ouais. Mais du coup c'est non c'est voilà je moi je sur le dernier tiers quart du film est pas si mal. Pour le reste je sais pas ce que fout Patty Jenkins. J'espère qu'elle en fera pas de troisième et qu'ils confieront ça à quelqu'un Elle va faire un Star Wars. Tout le monde commence à avoir peur. Si, elle va faire d'autre. Star Non Wars Rogue Squadron, quoi. Les cinéphiles commencent à avoir un peu les boules. Non, enfin voilà, je pense que c'est pas quelqu'un qui est fait pour les films d'action, Patty Jenkins, en fait. Elle a fait Monster avant, hein, donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit fait pour les films d'action. Alors du coup, justement, moi j'avais été pas mal alléché par la bande-annonce avec la musique de New Order, Blue Monday, et du coup, la BO, qu'est-ce que ça vaut? Non, ça retrace pas vraiment un truc comme ça, en fait. Ah. Ah non, c'est un aspect vraiment commercial pour le coup, parce que t'es dans le truc, mais après la BO est assez classique. C'est Hans Zimmer qui est à la BO. Elle est pas mal, hein, mais c'est du Hans Zimmer, quoi. Parce que tu vois, pour prendre un autre film d'action, tiens, avec une héroïne, Atomic Blonde, j'avais moyennement aimé le film, mais il y avait la BO qui était une espèce de compilation assez jouissive de musique, Alors moi, quoi. ouais, j'avais bien aimé Atomic Blonde, mais il y a un côté clipesque, c'est clair. Mais c'est Et pas c'est du tout assumé, de ça. toute façon. C'est pas du tout ça pour Wonder Woman. Non, non, D'accord. c'était vraiment le truc promo pour dire regardez ça en 84. Ben alors justement, je vais bondir dessus. Il y a des critiques que j'ai lues dessus qui sont assez négatives et qui justement disent que le film veut trop jouer à la nostalgie des années 80, chose que notre époque fait un peu trop souvent. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Je suis pas tant d'accord que ça quand t'as vu Stranger Things. En fait, tu peux pas dire ça de Wonder Woman. Parce que Stranger Things joue trop sur le truc. C'est principalement leur principal sujet de la série. Hein. C'est regarder ça en ces D'accord. années 80. Alors que sur Wonder Woman, C'est pas oui, il sûr. y a des trucs, bah, il y a des trucs forcément, tu sens que c'est années 80 et tout machin, et c'est le décor, et à un moment, t'as Chris Pine, bah il fait un espèce de défilé de mode en essayant des fringues, bah forcément il y a 80. Mais j'ai moi je le sens, c'est moi ça m'agace moins que sur justement Stranger Things ou tout plein d'autres films ou téléfilms ou séries qui se passaient dans les années 80 ces dernières années. Je pense qu'il y a un moment c'est ça, c'est que faut se rendre compte qu'il y a beaucoup beaucoup beaucoup Oui, de bien sûr. films et de séries qui se sont passés dans les 80, qui ont situé ça dans les années 80, en jouant mort la clé de la synth wave, en jouant à mort la rétro new wave. Enfin, Grave. donc là, c'est pas le plus énervant. Franchement, c'est pas le plus bleu. Forcément, on sent le côté années 80, mais c'est pas, franchement, c'est pas le plus flagrant, franchement. Alors, autre question piège à laquelle tu vas peut-être répondre ou pas. Pourquoi 1984, Wonder Woman 84? Est-ce qu'il y a un côté à un rapport avec Orwell? Oh, j'ai même pas senti le truc, je sais pas. Après, il y a aussi le truc, c'est que le personnage de Pedro Pascal, c'est l'archétype de l'homme d'affaires qui monte et qui devient une personnalité médiatique, tu vois. Un genre de Trump ou de Tapie, tu vois. Donc Ouais. c'est un peu donc l'époque était favorable à ce genre de personnage, c'était les années 80. Bon, eh bien, est-ce qu'on a fait tout le tour de Wonder Woman Oui, ou... après je pense que le mieux c'est de le mater pour se faire une idée. Hein. Enfin, si on aime mater ce genre de film, parce que c'est vrai que j'aime bien regarder vite fait, quoi, mais je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont absolument pas envie de mater ça. Diras-tu que tu l'auras oublié d'ici quelques semaines? Non, mais il m'énerve beaucoup moins sur certains points que le premier. Ah bah écoute, le premier j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus quoi. À part la scène d'action dans les tranchées, je crois que j'ai un peu totalement oublié tout le film, c'est pour te dire. Moi j'ai oui j'ai moi il y a un truc que j'ai pas oublié, c'est le méchant. Oh Ah là, c'est oui, avec la fin sur un truc d'aéroport, etc. J'ai là trouvé là, mais ça. quel méchant bancal, quoi. C'est pour ça, là je suis contente, ils ont rattrapé le J'ai truc. trouvé ça tellement mal On a des filmé. bons méchants là, tu vois. Ouais, et là c'est peut-être un peu mieux filmé justement du coup. Ouais. Non, ça va, moi j'aime bien la fin. Bon. Bon, Voilà. bah, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu pour aujourd'hui, hein. Je sais, on fera pas ça tous les dimanches. Donc, Non. parce qu'on en est bientôt à 2 heures d'émission, là, Ah, ben justement, je pense qu'il est temps de nous quitter. en fait. Oui! Donc, bah, on vous retrouve dans 2 semaines pour le Cinéfan et Ciné on the Fan et Mes fans, c'est une belle contraction. ouais, et la semaine prochaine pour le top sur notre chaîne YouTube. Voilà, le top 2020. Et on espère que la prochaine fois, on aura notre compère Nelson. Voilà. Voilà, Bah, voilà. bon dimanche à vous. Au revoir. Au revoir.